sa propre langue. Très souvent elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. Le ton monte, on descend la pente. Parfois je me plante entre l'ami et la menthe. Les démons chantent et nous démentent. Pour te préserver, est-ce qu'il faut que je te mente? Suspendu sans arrêt au fil de nos marées, une vague à l'âme qui nous dépasse. Collé à nos égos, posés comme des Legos, je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus. Déjà, autant pour moi, mais j'étais pas prêt, hein. Absolument pas prêt, pour une fois, on est en avance. 19h58, bienvenue tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie. On est en vacances. On attend ça toute l'année. On ne dirait pas, mais on y est là. Alors amuse-toi. Pour en arriver là, on a fait des projets. On y a pensé. On a économisé. On a un budget. On a calculé et on a mesuré. Conclusion, on n'a pas d'argent. Mais on veut des vacances. Des belles et longues vacances. Dans un club ou en camping. À la plage ou en trekking. Mais donnez-nous des vacances. Partir loin. Oui, loin, très loin. On peut aller encore plus loin. Rester à la maison. Ah ouais, c'est une solution. Alors, on se pose la question. Se reposer et puis bronzer. Faire des photos, des vidéos. Ne pas profiter et regretter. C'est ça aussi les vacances. En amoureux ou en famille. Seul ou accompagné. On y pense. On est en transe. On en a rêvé. On l'a imaginé, calculé. On n'a plus qu'à profiter. Mickaël, Toff, Polo et Amina. De 20h à minuit. Sur Énergie. Sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Et ben voilà, on est en direct. J'espère que vous allez bien les amis. Vous avez passé une bonne journée. On est là comme tous les soirs. 01 40 71 5000. C'est le numéro du standard. Vous appelez, vous passez en live. Si vous voulez également, vous pouvez depuis la Suisse nous appeler au 0800 83 103 6. Polo va bien? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux, parfait. Vous aussi, j'espère. Amina va bien également. Elle est en pleine forme. Bonsoir. Record record de likes sur ta photo de Pile Pierre. Incroyable quand même. Hein. J'en reste bouche bée. Comme quoi, les mecs, j'ai pas été voir si c'était plus des filles, plus des garçons qui avaient liké, à mon avis, des mecs. C'est ça, c'est ça. Et, dès qu'on met une meuf. C'est un truc de malade. Hop là, ça y est, ils y vont comme des sauvages. On va essayer de mettre Tof avec des boops, voir si ça va liker. Ça marchera pas. On pourrait faire la même photo avec Tof, voir s'il y a le même de likes. Ouais, un petit coup de nombril, hein. Un short. Alors, et c'est parti. Alors, ne le prenez pas mal, et c'est là que tu vois que la plupart des auditeurs, c'est des crevards, quoi. Ah bah non, ils sont en chien. Attends, mais moi, on me dit, j'écoute un truc, j'écoute une émission, et la seule meuf, on me dit, ah bah tiens, en mode pin-up, je vais voir. Je vais voir, par curiosité. Après, c'est de l'irrespect, c'est illégal. Non, mais après, c'est pas la curiosité. Je pense que c'est juste des amateurs d'art. La photo est quand même ce qu'elle est. C'est ça. De l'art abstrait. Ouais, de l'art abstrait, amateur d'art. Et puis surtout, là, ils se sont bien rendus compte qu'ils ont fait une erreur, quoi. Ils ont été voir, et puis voilà. Hein. Non, vu les commentaires, ça va. Hein, j'embrasse les gens d'ailleurs. Oui. Bah, t'as fait fermer tous les messages qui n'allaient pas en ton avantage. Non, pas du tout. J'ai même pas envie de parler de ça. Il y a juste une meuf qui est complètement obsédée par moi, une psychopathe, la pauvre. Je l'embrasse. Mais oui. Bon, en tout cas, allez voir la photo. C'était en Amina au Energy Music Tour à Toulouse en mode pin-up, en mode. Elle le savait pas. Je pose pas. Je ne savais pas, a priori. Voilà. Donc voilà, elle est sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez aller voir si vous voulez. C'est sur MIKL officiel. Voilà, vous y allez, n'hésitez pas, vous laissez vos avis. Et puis voilà. Donc Amina, passez une bonne journée du coup. Excellente. Tant mieux, passez parfait. Une très très bonne journée. Bon, tant mieux. Tof et de nouveau quelques petits problèmes. Gastrique. Oui, comme d'habitude, et j'ai envie de dire. Donc, on parlera avec lui après. On a. Ah oui, on va récupérer Christian. C'est vrai qu'on devait. Flo, pardon. Attends, c'est quoi c'est non, alors, c'était Jean qui avait un problème d'assurance. Jean. Et Christian, hier, qu'on n'a pas eu le temps de prendre parce qu'il avait une réaction pour les arnaques. Exactement. Jean est avec nous. Bonsoir, Jean. Bonsoir, équipe. Bonsoir, Jean. Donc, oui, très bien, oui. J'aime vraiment pas ta voix. Jean, désolé, hein, malgré tout le respect que je dois à ta personne. Bon, Jean qui nous avait appelé hier, parce qu'il s'était. Pardon, on démarre sur un ta gueule polo, c'est pas mal. On démarre en taquet. J'ai beaucoup de respect pour Morgane, voilà, mon patron. Non, t'as peur. T'as pas du respect, t'as peur. J'ai du respect, je ne dirai rien. C'est ça. Je m'excuse. Ah, c'est voilà. Bon, donc je disais, Jean qui nous avait appelé parce qu'il avait, vous voulez, comme hier, en fait, ça va être compliqué parce qu'il va faire une deuxième émission pendant la même et il va toujours parler en même temps. Donc je disais que Jean, donc, a été, je reprends ses termes, a été forcé de prendre une assurance pour son nouveau téléphone dans une boutique. Bon, il l'a cité hier, c'était SFR, comme ça s'est fait. Il l'a obligé. Et apparemment, il l'aurait obligé. Et donc, du coup, t'as signé l'assurance, t'en veux pas. Et quand tu leur dis que tu veux annuler, ils te disent oui, mais non, mais c'est pas possible, ça va pas, c'est ça ? Voilà, et là, du coup, j'ai appelé aujourd'hui. Avec chance, j'ai appelé. T'as vraiment appelé aujourd'hui, là ? Oui, ce matin, j'ai appelé, j'ai résilié. Ouais. Ah d'accord. Ah t'as résilié. Tu vois, t'as résilié. Mais avec du mal, j'ai eu. Bah comment ça, avec du mal? C'est-à-dire? Bah parce qu'il me disait hier, il me disait rapidement. Alors du coup j'ai rappelé. Et ce matin j'ai dit écoutez, je voudrais résilier l'assurance. Ah dit ok, y a pas de souci. Bah c'est pas avec du mal, ça, c'est normal. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal, mais. Bon bah voilà, très bien. Bon du coup je voulais. Chum, on n'avait pas compris, mais. Oui, bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, je voulais savoir si vous aviez déjà eu, genre, vous vous êtes déjà fait, je vais pas dire arnaquer, mais genre. Escroqué. Mais escroqué non plus. Non, c'est pas t'as pas été escroqué, c'est-à-dire qu'ils t'ont pas forcé, ils t'ont pas mis un flingue sur la tempe en te demandant de signer les papiers pour que tu prennes l'assurance. Pardon. Et mort de rire. Et donc voilà, je vais à partir de là. C'est un peu des forceurs, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, voilà. Bon, en gros, si vous avez déjà été arnaqué, genre par les assurances, tout le bazar, genre vous avez acheté un téléphone, là, comme Jean, par exemple. Bon, on va prendre Christian, justement, qui lui aussi a une petite histoire à nous raconter. Salut, Christian. Salut, oui. Comment ça va ? Bonjour à tous. Ouais, ça va, ouais. Bon, très bien. Salut. Tiens, c'est quand on prend Christian qu'on se rend compte que Jean, qui a acheté, vient d'acheter un nouveau téléphone. Là, c'est fait arnaquer parce qu'il a un téléphone de merde. Oui, non, c'est vrai en plus. Parce que regarde, la voix de Christian, on l'entend bien, c'est clair. C'est alors que Jean... C'est peut-être pour Christian, ça qu'il n'arrivait pas à résilier. Les mecs comprenaient pas ce qu'il disait. Mais c'est peut-être ça. Christian ? Alors moi, j'ai eu le même problème regarde. Que attends, l'auditeur je fais Jean. Juste un essai, Christian. Attends, Jean ? Oui ? On comprend rien. Vous voyez ? Il a dit oui. Est-ce que vous voyez la différence ? Vous entendez la différence ? Vous entendez bien la différence. Donc Christian, toi, t'as eu le même problème. On va en parler dans un instant, tu restes avec nous. On va également s'écouter dans quelques minutes sur Énergie dans la playlist. Le son de Maroon 5. Il y aura aussi le son de Kenji qui est avec nous au Energy Music Tour ce week-end. Très toutes sympa. Ces photos à mater sur Facebook, je les ai toutes mises. MIKL officiel. elles sont aussi sur Instagram. Hein. Il y a aussi Chiron que je vous cale tout à l'heure. Et l'artiste. Il y a Aigle de Lille qui dit des bisous, bah, salut à toi Aigle de Lille. Sébastien, salut la team, j'ai passé une super soirée au Glisse Park, dédicace à Karine et Raphaël. Cool. Et vous, vous allez bien la Dream Team? Écoute, ouais, ça va, vrai. Tranquille. Le soleil a brillé, on m'a offert un mojito, c'était une espèce de seau aujourd'hui. J'ai presque eu du mal à le terminer, mais bon, ça s'est bien passé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'était un Virgin Mojito. Ah, c'est un Virgin Mojito. C'est vrai, c'était un vrai. Mais était dangereux pour la santé. Mais ce n'est pas moi qui en voulais. Avec modération. Tout à fait. Et trois fruits. Cinq fruits et légumes. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voilà, exactement. Ferme la vie. Voilà. Il y a Raiken67 qui dit salut l'équipe, ça fait bizarre de vous retrouver à cette heure-ci. Mais on est là, bisous à Amina. Bah, salut. Oui, c'est vrai que pendant tout le mois, c'est depuis lundi qu'on est là à 20h. Pendant. Bah jusqu'au 13 août, on est là de 20h à minuit. Bah oui, on est pas mal, bien sûr. Le soleil brille, on peut voir le magnifique soleil qui tape sur la tour Eiffel. Ouais, c'est beau, non? La tour Eiffel est là. N'est-ce pas, Amina? Amina brille. Bah évidemment, Amina qui brille, qui surbrille, bien sûr. Mais, non, je brille par mon éloquence, probablement. Et pas non, non. Parce que t'as la peau grasse, Amina. Ah non, j'ai la peau super sèche en plus, pour le coup. T'as mal trouvé. Par contre, j'ai vu quelqu'un de luisant sur la scène du Energy Music Tour à Toulouse. Je ne citerai pas le nom. Hein. Ah bah oui, bah aussi, si, mais moi je peux citer un nom. Hein. Il s'appelle M-I-K-L. Et pourquoi je luisais? Parce qu'Amina m'a dit: comment, il n'y a pas de maquilleur? Attends, ne t'inquiète pas, je vais venir. Heureusement, j'ai du produit. Je vais venir t'en mettre sur le front. J'attends tout. C'est pour ça que tu brillais. Mais bien sûr. C'est de ma gueule. Parce que t'avais oublié de ma gueule. Elle a gardé tout le maquillage pour Shakira. Non, mais attends, le gars, il oublie sa trousse de make-up et c'est de ma faute. Bah oui, c'est ça, ouais. Je rêve. Bon, allez. Ah, bah, Toff nous fait l'honneur de sa présence. Ça va là, Oui, mais je suis pas prêt. 20h, c'est trop tôt. Bah oui, je sais bien, ouais. Enfin bon. Bon, allez, 0140 71 5000. Et en ce moment, on parle beaucoup de voyage. Et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et de la société d'exploration spatiale Blue Origin, a un voyage à vous proposer. Et lui, il fait pas les choses à moitié. Il vous envoie. Amina, c'est quoi ton rêve? Tu veux partir où, toi, ton rêve? Mon rêve, en ce moment, c'est l'Argentine. L'Argentine, ouais. C'est pas mal l'Argentine. Ouais. J'ai trop envie d'y aller. Polo, c'est pour aller les narguer, ça. Moi, tu sais, je fais un peu tous les pays. Oh, le boulard. Non, c'est pas le boulard. C'est un truc de ouf. Mais j'ai fait le tour, quoi. Pardon, James Bond, hein, excuse-nous. Hein. Ah non, dis pas ça, toi, viens me taper. Ouais, c'est ça. Non, peut-être le Bali. Bali. J'ai envie d'aller à Bali. Ouais, Toff. Oui, j'aimerais bien aller à Dunkerque. Oui, non, mais oui, c'est mon rêve ultime. Non, et puis j'ai un hôtel à 20€. Ah bah moins cher, Dunkerque. Non, moi j'aimerais bien faire l'Asie. J'ai quasiment rien fait. J'ai fait un petit bout de la Thaïlande, mais c'est tout. Mais non, il y a plein de pays en Asie où j'aimerais bien aller. D'accord. Ok. Très et toi, bien. Toi, Michael? Bah moi j'aimerais bien l'Amérique du Sud. J'ai encore rien fait en Amérique du Sud. J'étais au Mexique, c'est là que j'étais le plus bas. Enfin, en Amérique du Sud. L'Amérique centrale. Et l'Amérique centrale. Panama, j'aimerais bien. Et puis, Chili. Je demande pourquoi ils veulent au Panama, le gars. Pourquoi pour les chapeaux. Il a deux, trois valises à laisser là-bas. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est vrai qu'il va que dans les paradis fiscaux. C'est bizarre. Hein. Oui, c'est ça. Bizarre, ça. C'est ça, c'est ça. Et. T'as pas été aux Bahamas récemment? Bon, récemment, non, j'ai déjà été, mais pas. T'as été en Andorre? Tous les week-ends, il est en Suisse, le gars. Luxembourg. Luxembourg. J'avais un mariage là-bas. Luxembourg, Suisse, Singapour. Bon, allez. Hong Kong, j'ai jamais été à Hong Kong. Toi, t'as déjà été deux fois. Voleur. C'est ça. Le fisc a appelé. Making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. And let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. demande des conneries, du coup j'ai même pas terminé l'histoire. J'ai demandé de faire le tour, c'était où votre rêve? Il y avait une raison à ça, et du coup j'ai pas eu le temps d'en parler. C'est dingue ça. Bah oui. Il est où Mickaël? Bah il est là, il est là. Bronze. Il est où Toff? Il coule un bronze. Il est où Polo? Il cherche des meufs. Elle est où Amina? Elle fait la teuf. Ils sont en vacances. Un peu comme toute l'année. Ils sont sur Énergie de 20h à minuit. Tout l'été. Du lundi au vendredi. Eh ben voilà, donc pour nous appeler 01 40 71 5000. Bon, donc je disais quels étaient vos rêves de destination. Parce que, ben, il y a donc le mec, là, le fondateur d'Amazon et de la société Blue Origin, qui donc fait pas les choses à moitié puisqu'il vous envoie dans l'espace. Bon, le prix est un petit peu violent, évidemment. Hein, si vous avez fait des économies, ce n'est pas très cher. Les billets seront vendus entre 169 000 et 260 000 euros. Ça va. C'est tout. Ça va. Voilà. Bon, après, vous êtes sûr que personne n'aura les mêmes selfies que vous. Hein. Ça, ah bah là. Hey mec, t'es dans l'espace, tu te fais un petit selfie au calme. Il n'y a pas de réseau, on fait comment pour mettre des snaps en ligne? Ça sert à rien. Bah attends, mais tu sais déjà que... la chance d'aller là-haut, l'autre, comment on fait pour faire. Non, mais tu sais qu'ils vont mettre des antennes 4G sur la Lune. Non, mais c'est n'importe quoi. Qu'ils en mettent déjà dans les campagnes et à Paris même, parce que SFR, c'est pas trop ça. Et après, ouais, on verra pour la Lune, hein. Non mais je t'assure, ils vont mettre des antennes SFR sur des antennes SFR. Ils vont mettre des antennes 4G sur ou 5G je crois, je sais pas, sur la Lune pour les explorations, tout le bordel, pour pouvoir envoyer des images plus facilement. Enfin bon. Putain, ça et là-bas, tu sais, quand ils ont commencé à faire l'exploration, ils ont trouvé Amina? Non. Un drapeau algérien. Mais allez. Non, c'est pas vrai, bien sûr que non. Ils sont capables. Hein. Bon, vous allez nous dire si vous avez déjà dépensé une fortune pour un voyage, si oui, lequel, vous avez été où, vous avez été content, pas content. Vous nous appelez au 01 40 71 5000. Voilà, t'as déjà dépensé quoi? C'est quoi le plus cher que t'as dépensé, Amina, pour un voyage? J'ai pas fait exprès, ça, mais... Ça peut compter si c'est moi qui ai payé. Hein. Non, bah du coup, ça compte pas parce que c'est pas marrant. Mais non, j'avais fait les Canaries une fois et je suis partie, enfin plusieurs fois, mais bref, j'étais restée 3 semaines. Et à l'époque, j'étais étudiante, donc j'avais fait mon budget vacances et tout. Et moi, je suis un peu l'autruche, c'est-à-dire que quand je ne vois pas les choses, elles n'existent pas. Donc j'ai pas checké mon compte. Et quand je suis rentrée de vacances, bah en fait, arrivée à Paris, ma carte bleue ne passait plus en fait. Et, bravo. Ouais. Et en fait, j'avais un budget vacances, genre de je sais plus, hors hôtel et hors avion, je vais peut-être claquer 1002, un truc comme ça. Et je suis rentrée, j'avais claqué 3000 balles. Ah oui, ça va, tu t'es mise bien alors. Ouais, sauf que j'avais zéro rentrée d'argent en fait, puisque j'étais à l'école. Bah, oui, bah, je sais bien, oui, bah, je me doute bien. Et par chance, en fait, juste avant de partir en vacances, je m'étais fait cartonner la caisse sur le périph. Et donc, ouais. Du coup, moi, j'ai eu peur, je croyais que j'allais cartonner le cul. Mais allez, n'importe quoi. Non, mais j'ai eu. Bah, excuse-moi. Et l'assurance m'a remboursé donc ma voiture, donc du coup, ça allait. Ça m'a remboursé mon découvert. Elle s'est sauvée. Ouais. Enfin, j'avais plus de voiture et plus d'argent. Il y a mieux hein, quand même, hein, comme life. Hein, oui. Bah, évidemment qu'il y a mieux, ouais, bien sûr. Mais bon, voilà, j'étais un peu irresponsable. D'accord, ok, très bien. Bon, et Toff? Alors, il y a Coachella qui était. Parce que bon, on a eu tout notre délire là-bas. Ouais, bah ouais. Qui était un truc un peu cher. Sinon, avant ça. Je crois que c'était. Dunkerque, ça m'a coûté les gilets. C'était horriblement cher, Dunkerque. Évidemment. Non, il y a. Non, c'était où? Norvège, non. Où on était allé aussi. Je jure qu'il a eu bien Nanterre. Non, c'est vrai que c'était Oslo. Effectivement, putain, ça coûtait à chier. Pour un week-end, ça. Un week-end, c'est-à-dire que une semaine, quoi. Le prix du billet en soi, ça va, mais sur place, ça coûte une couille. Même deux. Ouais, de dingue. Franchement, ouais, je crois que c'est le voyage plus cher. C'était pour aussi peu de temps, quoi, parce qu'on est resté 3 jours. C'était vraiment. Et le pire en Norvège, c'est la surprise sur le gâteau. Les péages. La surprise sur le gâteau. Les péages, vous ne dites rien. La surprise sur le gâteau. Je pense que je vais terminer ma carrière. Ça va, je deviens fou. La surprise sur le gâteau. Eh, à mettre au même niveau que. Tous les paniers dans le même œuf. Dans le même œuf. Les paniers dans le même œuf, ça c'était Amina. La surprise sur le gâteau. Non mais, l'équipe de cassos, c'est pas possible. Bah, attends, il n'y a pas d'équipe de cassos, hein. C'est-à-dire que c'est Polo et Amina, c'est vous deux. Hein. Bon, on se tient la main. Non mais attends, mais bien sûr que vous vous tenez la main. La surprise sur le gâteau. Bon bref, dites-nous du coup, on en parlera au fur et à mesure pendant l'émission. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme voyage de ouf le plus cher? Vous avez regretté ou au contraire, vous avez un super bon souvenir et vous n'avez pas regretté, pardon. 01 40 71 5000. Il y a Zacharia qui dit perso, j'aimerais aller au Maroc, en Inde et au Japon. Salut les amis, c'est la friterie là-bas. Salut à toi. Il y a Jordan du 91. Rappelons que l'évasion fiscale est illégale. Oui, bien tout sûr. À fait. C'est illégal. Ouais. Tout à fait, oui. French Devil qui dit mission à 20h, ça me saoule, je suis encore en train de manger. Bah, bon appétit, French Devil. Bon, on va récupérer Christian à Forbach qui nous appelait par rapport à Jean qui s'était fait arnaquer, soi-disant, on l'a forcé à prendre une assurance. Ah oui, oui, bah, oui, effectivement, il faut que je sorte mon dossier. Ah, de quoi? Quel dossier? Bah, parce qu'il m'a envoyé. Ah, toi aussi? Alors, attends une seconde, Christian. Bon, ce qu'on va faire, on va se mettre la pub rapido, sinon on va revenir après. Christian, tu bouges pas, je t'en prends juste après. On se fait les appels bienveillants. Ce soir, on va faire le taxi du bled. C'est un jeu, on va en parler. On va se faire aussi le jeu du j'annule, les vacances, le jeu des dimo. Tout ça, c'est avant minuit, évidemment. Vous restez bien là. On revient avec le son de Kenji dans un instant sur Énergie. Allez, 01 40 71 5000. Bienvenue à tous, c'est Mickaël sur Énergie. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Mickaël sur Énergie. Reviens juste après ça. Vos artistes préférés. La Team Énergie. Sur les plus belles plages de France. Tout l'été. C'est le Énergie Summer Tour. Du 26 juillet au 17 août, Énergie, la radio de l'été, vous donne rendez-vous sur les plages de la Côte d'Azur, aux plages du Nord, avec le Énergie Summer Tour. Toutes les dates de la tournée sont sur énergie.fr. Et rendez-vous le 26 juillet, esplanade de l'âtre de Tassigny à Cavalaire, avec Bassada et Giant. Lidl, partenaire fraîcheur du Énergie Summer Tour. Salut, c'est Aymeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram. Hé, hey, écoute bien, en ce moment chez Domino's, si on prend 3 pizzas médium, elles sont à 6 euros chacune. 6 euros la pizza? Non, mais c'est pas vrai. Si. Mais alors j'y cours, j'y vole, j'y suis déjà. 6 euros chacune, soit 18 euros les 3 pizzas médium à emporter, hors pizza bon plan et signature, valable jusqu'au 12 août, conditions et Domino's participants sur Domino's.fr. Alors là, on arrive sur un vrai coup de cœur. 10 mètres carrés, coin cuisine avec dressing intégré et une petite douche atypique qui fait aussi bibliothèque. C'est la perle rare. Sinon, pour vos petits espaces, rendez-vous vite chez Ikea. Et en plus, jusqu'au 2 septembre, profitez du paiement en 3 fois sans frais. Ikea. Pour tout achat entre 150 et 4500 euros, remboursement sur 3 mois. Ikea France SAS est un intermédiaire en opération de banque immatriculé comme mandataire exclusif de BNP Paribas Personnel Finance. Voir conditions en magasin et sur Ikea.fr. $1,000 sheets, waiting for you on some $1,000 sheets. I got caught at 3 on repeat. Back shots to the beat of on you. Got me acting like you got a milli on you. You say I'm the goat, you're the billy on you. I could make all your dreams come true. Wanna fall through, then you better come true. Come true. Don't make me wait until the morning. Got a bed. Strawberry lingerie, waiting for you, strawberries lingerie. You told me you want a way. Messed around, put it down on you. I'ma do everything I said I'm gon' do. Pretty little body, it look better on you. Might have to blow it like a feather on you. What a force, ooh yeah, you better come true. Don't make me wait until the morning. Gotta be. These niggas scared, they doing 50 and a 55. I'm tryna clap him like somebody told him, give me 5. I'ma be a half an hour, but I told him, give me 5. I'm tryna dance on him, blow my advance on him. I like compared to it when he got some sweatpants on him. I like his hang time. He set his head right. I said go all the way down and then head right. I watch him fuck it up. Look at him looking up. I said you need some thick skin, baby. Suck it up. He go insane on it. I put my fame on it. Could have put Zane on it, but I put your name on it. Got a bag, put your name on it. Put your name on it. Got a gift, put your name on it. Put your name on it. Let me cut, let me down. Don't turn me down. Turn it down, baby. Put your name on it. Put your name on it. On ne va pas les plaindre. Faut pas déconner. Ils sont là tout l'été. Vraiment? Vraiment? Et alors? Bien fait pour eux. Mickaël, Polo et Amina. De 20h à minuit. Sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. Et Mickaël officiel. Allez, tous les soirs, on est sur Énergie. 01 40 71 5000 pour nous appeler. On va prendre Lisa, Christian, Philippe. Et puis on s'écoute le son de Kenji, je l'avais promis. 20h22, bienvenue sur Énergie. Enfant des villes ou enfant des foins. On se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Tout oublié, tu vois. On ira faire la fête. On ira faire les rois. Pour se vider la tête. Pour oublier. Pour oublier. Pour oublier. Pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Sur Énergie, allez Mickaël, tous les soirs 20h24. C'est ouais. Mickaël, Toff, Polo et Amina ne prennent pas de vacances. Pour toi, c'est une chance. Tu comprends? Yes. Pas de vacances. Pas de vacances. Donc, ils sont à la radio. Ah, enfin t'as compris. Tous les soirs, ils sont avec vous de 20h à minuit. Sur Énergie, Twitter, Facebook et Instagram. Et Mickaël officiel. Avec tous les messages que vous envoyez, évidemment, le hashtag est Mickaël. Si vous voulez qu'on lise tout ça, il n'y a pas de problème. On va tout à l'heure rejouer au jeu du taxi du bled. Le taxi du bled, c'est simple. Vous allez pouvoir affronter quelqu'un de l'équipe. Et chacun à votre tour, vous allez appeler une société de taxi. Il va falloir lui demander le truc le plus improbable possible. C'est-à-dire, en imaginant qu'on appelle une société de taxi, à Cannes, eh bien, vous devez lui demander de... Vous dites, voilà, mais j'ai besoin de partir le plus vite possible, mais genre loin, toi. Genre Lisbonne, genre Bucarest, Rome, peu importe. Et donc, le but, c'est qu'ils disent oui. Ils disent, ok, même si c'est, bon, bah écoutez, je vais voir, je vous rappelle demain, mais dans l'absolu, ok. Voilà, une fois que vous avez réussi à faire ça, dès qu'on a le ok, la confirmation, le oui, enfin bon, bref, vous avez compris le principe, eh bien... On jouera sur le timing. Donc, si jamais les deux arrivent à avoir un oui, c'est celui qui aura réussi à avoir le oui en premier qui gagne. Et sinon, bah, dans l'absolu, c'est celui qui a réussi à avoir la confirmation qui gagne. Si vous voulez jouer, vous nous appelez au 01 40 71 5000. Salut la team. Mickaël, Polotov, Amina, installé pour passer une excellente soirée en votre compagnie. Bonne émission. Bah, merci à toi. Le doux drôle qui dit j'adorerais aller dans le fin fond de l'Afrique et voir des peuples indigènes pour savoir comment ils vivent. Ce serait un gros kiff, ça. Ah oui. Et ben ouais, ça peut être c'est pas mal. Explorateur, le ça peut être pas mal. Message aussi. à Rachel qui est en vacances en Ardèche. Bah écoute, amuse-toi bien. Anil, mon plus grand rêve, ce serait d'aller à Dubaï. Ah, pour avoir été à Dubaï, effectivement, c'est pas mal. C'est très, bon, c'est pas naturel, hein, que les choses soient claires. Hein. Ah non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. T'arrives pas là-bas en disant, waouh, putain, c'est quand même beau ce qu'ils faisaient à l'époque. Bah non, non, en fait, non, c'est y a que des murs. Hein. Il n'y a que des murs, des tours, que de l'oseille, du sable et voilà. Jordan aussi, rappelons que l'évasion, ah oui, l'évasion fiscale était interdite, je l'avais dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Les héros sont là et à l'écoute jusqu'à minuit, merci beaucoup. Seb de la Sécu qui dit « Coucou la team, heureux de vous écouter à 20h, coup de pelle au chien de la casse, tof !» Et surtout, restez comme ça, ne changez rien, c'est Seb, l'agent de Sécu du Chamblay dans le 54 et puis coup de pelle dans la face de tof, avec évidemment grand plaisir. Bon, avant de continuer à parler des vacances, et quel était le droit le plus ouf où vous avez été, enfin pour lequel vous avez dépensé le plus d'argent, et est-ce que vous avez un regret ou pas, justement 01 40 71 5000. On va récupérer Christian qui voulait réagir par rapport à Jean qu'on avait eu hier en fin d'émission et ce soir en début d'émission, qui nous avait appelé parce qu'il s'était fait, d'après ses propos, arnaquer. Il avait été dans une boutique pour acheter un nouveau téléphone et on lui avait forcé à prendre une assurance. À un moment, tu peux dire non, quoi. Oui, alors oui, parfois oui, les mecs oui, sont oui, chiants. J'admets qu'effectivement ils poussent. Oui, mais oui, mais oui, mais moi c'est bien simple. Plus on pousse, plus je dis non. Mais moi c'est pareil. Que si le mec il me gave et surgave, ça me. Et alors le contraire, si le mec il est cool, il t'explique, il dit ouais, tu vas voir. Et tu sais, il est dans, vraiment dans la gentillesse. Ouais. Et il te laisse vivre ta vie et puis après il intervient. Oui, là tu peux. Là pourquoi pas, ouais. Et toi Christian, comment ça s'est passé alors, dis-moi? Bah moi je vous explique comment ça s'est passé. En fin de compte. Ben, j'ai renouvelé un mobile et là ils m'ont fait signer, ils m'ont fait signer l'assurance. Bon, bien sûr ils m'ont pas obligé, c'est de moi, de mon plein gré, hein, j'ai signé. Et après, bon, comme je voulais pas l'assurance, le vendeur m'a dit, de toute façon vous avez 30 jours pour changer d'avis et résilier. Allô? D'accord. Oui. Et là après, moi j'ai appelé la SFM, l'assurance, en disant je ne veux plus l'assurance, je veux l'arrêter à la fin de mes périodes d'essai. Ils m'ont dit non, c'est un an. Alors moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai bloqué le prélèvement automatique, j'ai envoyé un recommandé avec les articles de loi et mentionnant leur contrat, que c'était marqué. Et j'ai envoyé 2-3 recommandés comme ça. Mais oui. Ah ouais. Mais il faut pas, bien sûr qu'il faut pas. Et moi, je les ai menacés qu'il n'y a pas de réponse au-delà des 15 jours, je contacterai les autorités compétentes. Et après là... Ah oui, ça y est, on a Mina au téléphone en homme. Génial. Il a bien raison. Bah oui, non, bien sûr. Ça, non, mais dans l'absolu, c'est vrai, t'as raison. Je vous assure que cela a marché, hein. C'est vrai? Ah oui, ça a marché. Bah ouais, après, j'ai une réponse. Moi, en général, quand ils me gavent pour avoir. Tu sais, genre, ça m'arrive d'aller à la Fnac, par exemple, et là, ils me disent oui, vous voulez pas l'assurance? Non, non, c'est pour un cadeau. Ah bon, ok, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais. J'avoue. Parce que tu sais, s'ils te disent oui, non, bah. Oui, mais vous imaginez, si jamais, bah, écoutez, donnez-moi les papiers, je donnerai au gars à qui on va offrir le cadeau, et puis si jamais ça intéresse, il viendra vers vous. Ah oui. Bon. J'avais fait la même, quand j'ai acheté mon iPhone il y a quelques années, il y a 2-3 ans, le mec, il me prend la tête et je lui dis, il dit ouais mais si vous le cassez, je lui dis pas grave, j'en achèterai un autre. Après il marque, ouais mais c'est comme oui je fais, c'est pas grave, je suis blindé. Mais pour rigoler, tu vois, le mec il était dégoûté, il m'a dit oui bon bah c'est bon. Parce qu'il faut savoir que Polo est tellement déblind que effectivement non, c'est pas vrai. Là il va prendre, regardez, ça c'est son iPhone. Eh ben voilà, il est pété, il veut demain, il va l'acheter un autre. Lui, il m'a dit, la flemme de charger mon téléphone, quand il n'y a plus de batterie, j'en achète un neuf. C'est tous les jours à nouveau. Parce que là, c'est la surprise sur le gâteau. Ah ouais, là, c'est la surprise sur le gâteau. Hein. Bon, enfin, tant que tu mets pas tous tes paniers dans le même zoo. À partir de là, ça va. Voilà, c'était la phrase d'Amina et juste avant la phrase de Polo. On attend celle de Toff avec impatience. Ah, je vais essayer de ne pas en faire. Bon, bah, ça va venir à un moment ou à l'autre. Bon, merci en tout cas, Christian, d'avoir appelé. Ouais, je serais peut-être intéressé pour le taxi du bled. Ah bah écoute, je te repasse Amina. Non, il va dire qu'on l'a forcé, il va nous appeler. Oui, c'est ça, il va porter plainte contre nous. Bon, je te repasse Amina et puis on voit s'il y a déjà quelqu'un qui s'inscrit, bah ce sera tant pis pour la prochaine fois. Et si jamais on n'a pas encore quelqu'un, pourquoi pas. D'accord? D'accord. Bon, allez, passe une bonne soirée. Salut Christian, merci d'écouter Énergie. Ouais. Tu rappelles quand tu veux, à bientôt. On va prendre Philippe qui est avec nous maintenant à Palaiseau dans le 91. Bonsoir Philippe. 9-1. Allô Philippe? Bon, on va le reprendre après, le temps qu'ils se rendent compte qu'il est bien à l'antenne, hein, pas de problème. 01 40 71 5000, on se fait les appels bienveillants également dans un instant avec Toff. Et puis on continue, bah, Philippe qui voulait nous parler du voyage, visiblement le... Ah oui, ouais, oui, je vois le montant, effectivement, c'est bien cher. Le plus cher pour lequel il a dépensé de l'oseille, et est-ce qu'il a un regret ou pas? 01 40 71 5000. 20h30, on est à la cool sur Énergie, passez de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, bon travail pour les autres évidemment. Et puis appelez-nous aussi, dites-nous où vous êtes, histoire de nous faire un peu râler là. On écoutait Chiran maintenant sur Énergie. walking down 29th and Park. I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. Sur Énergie, 20h33, c'est Mickaël tous les soirs avec dans un instant le son de l'artiste. Et Donny Fan aussi qui dit parti jusqu'à minuit, super content de vous retrouver. Bon, on est content que tu sois là aussi. Hein. Mickaël et toute la team ne feront pas grève cet été. Ils ne poseront pas de RTT. Ils n'auront pas de repos. Ils sont à la radio. De 20h à minuit. Sur Énergie. Allez, on va se faire les appels bienveillants maintenant avec le taxi du bled, le jeu qui va arriver d'ici quelle heure il est 20h32, d'ici un petit quart d'heure. Donc si vous voulez jouer avec nous, bah 01 40 71 5000 avec Delille qui dit la commande est faite, vous mangez quoi ce soir? Bah taille ce soir offert par Polo là. Et on attend la livraison, on va voir comment ça va se passer. Salut la team, Mickaël, Polo et Toff, bonne soirée à tous. Merci pour tous vos messages. Le hashtag est Mickaël. Ouais, le 20h on vrille, hein, je sais pas. Tu sais, les gens normaux, tu les mets la nuit comme nous, bah ils pètent un câble, ils deviennent ouf. Nous, c'est quand on le met trop tôt qu'on n'est pas à l'autre aise. On a l'impression qu'on n'est pas chez nous. Donc, bon. En même temps, on n'est pas chez nous, là, on est en sous-loc. Ouais, là, on fait de la sous-location, effectivement. Ouais. Bon, d'habitude, il y a Aymeric à 20h. Là, on le remplace, évidemment, pendant un mois, pendant ses vacances. Et puis, voilà, tranquille jusqu'à minuit quand même. Bon, on se fait des appels bienveillants maintenant. Avec, oui. Selon une étude américaine, un rapport sexuel apporte jusqu'à 48 heures de bonheur, Amina. Et ben quoi Amina, c'est une étude qui a été faite pour moi. On sait très bien que t'es un peu chiante, genre tu couches jamais avec personne, genre je dis bien genre c'est parce pas que maintenant on tout, sait d'où ça vient. Tout ce que c'est pas vrai, mais bon. Et donc pour être heureux, faites l'amour tous les deux jours. Toff, tu vas appeler pour prévenir cette bonne nouvelle? Bah évidemment. Et ben voilà, très bien. On y va, c'est parti. On appelle grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. Attention, c'est parti. On fait le premier appel maintenant. Mauvaise chance. Merci. Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir si vous avez fait l'amour dans les dernières 48 heures. Oui, c'est quoi votre délire? C'est pas un délire, monsieur, c'est une question. Vous appelez à cette heure-ci, là, pour dire ça? Oui, c'est ça. Et c'est qui? Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Toff? Oui, c'est ça, c'est mon nom. Et où c'est que vous avez trouvé mon numéro? 118-218, monsieur, toutou youtou. D'accord, bon, bah, appelez d'autres pour dire des conneries comme ça. Mais c'est pas une connerie, monsieur, c'est une question. J'ai pas besoin de répondre à votre question. Bah si, monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. Allez, au revoir. Bah non, monsieur, allô? Eh ben ça commence bien, très bien, on va le rappeler. On est un peu obligé. Eh ben oui, on est obligé, on rappelle. On a été coupé et vous m'avez pas dit si vous avez fait l'amour dans les dernières 48 heures. Ah mais c'est encore toi, c'est incroyable. Bah oui, parce que du coup vous aviez pas répondu à la question. Et donc, ouais, mais coup... attends, mais où c'est que t'as déjà tu trouves un numéro professionnel sur internet juste pour dire une connerie comme ça quoi. Bah 118-218, monsieur, toutou youtou. Putain, ouais, c'est cool. Et c'est pas une radio ou une connerie comme ça, je me demandais justement. Ah non, non, pas du tout, monsieur. Moi je vous appelle juste parce que voilà, moi je voulais savoir si vous aviez fait l'amour dans les dernières 48 heures. Et pourquoi t'as besoin de savoir ça? Bah parce que j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah ouais? Bah et oui. C'est quoi? Ah bah ça dépend, monsieur, vous avez fait l'amour ou pas? Ah bah je sais pas, demande à ta femme peut-être. Ah bah j'en ai pas, maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Oh putain, ma mère c'est con. Bah oui. Moi non plus, je suis emmerdé ici. Ah oui, vous aussi, vous, donc, maman elle veut pas. J'ai pas besoin de répondre à cette question donc. Ah bah oui, non, si vous avez moi, pas je vais, de. Je verrai, bah au pire on fera échange si tu veux. Je te donnerai ma femme et puis tu me donneras. Et je vous donnerai quoi, monsieur? Parce que moi j'ai pas de femme donc. Hein? Bah moi j'en ai pas, maman elle veut pas. Que... T'essayes d'en trouver une? Ah bah oui, mais maman elle voudra jamais, hein, monsieur. Ah ouais? Ah bah oui. C'est con là. Je vais aller voir ta mère alors. Ah bah peut-être que vous pourriez la convaincre. Bah oui, oui. Ouais. Ah bah si vous voulez, je vous rappelle demain avec maman. Ah ouais, d'accord. Bon, eh ben on fait comme ça, monsieur. Allez, à demain. Appeler les gens comme ça pour dire des conneries. Bah non, moi je dis pas des conneries, monsieur. Moi c'est des vrais... Non, moi je vous appelle pour vous annoncer une vraie bonne nouvelle. Pourquoi tu veux savoir ça alors? Bah parce que j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer, monsieur. Mais comme vous voulez pas me dire, bah je peux pas vous annoncer la bonne nouvelle. Ben moi, je te donnerai une bonne nouvelle quand tu me donneras la tienne. Ah bah oui, mais c'est pas vous me répondez à la question, monsieur. Et moi, je vous donne la bonne nouvelle. Hein? Voilà. Allô? Oui, bon. Ben, je vous rappelle demain, monsieur. Hein? Ouais, tous les jours, tu vas me faire ça comme ça. Ah bah non, monsieur, mais c'est vous qui voulez que je vous rappelle demain avec maman. Alors moi, je vous rappelle demain. Hein? Bah, vous voulez que je vous rappelle avec maman demain. Alors moi, je vous rappelle demain. Non, tu vas pas me faire ça comme ça tous les jours. Ah bah non, non, monsieur, pas du tout. T'es même pas un homme, ça m'étonne pas que t'as pas de femme. Tu dois être pédé, je pense. Ah non, monsieur, non, pédé, ça se dit pas, c'est homophobe, oui, monsieur, c'est pas bien de dire ça. T'appelles en numéro masqué, déjà. Mais ça, c'est donc, parce que maman, elle a chipoté dans la box et depuis le numéro, il s'affiche plus. Non, mais quand on est en masqué, ça veut dire qu'on n'est pas un homme. Non, c'est juste parce que maman, elle a chipoté dans la box, monsieur, du coup, le numéro, il s'affiche plus, mais je vous le donne, mon numéro, si vous voulez. Ton numéro, ouais, bah donne-moi. Alors, c'est 01. Ah bah, 01, mais oui. Mais c'est quoi vos conneries alors? Bah, c'est parce que j'appelle de Paris, monsieur. Ah ouais? Bah oui. Et donc, pardon? Je savais que les Parisiens, c'était des cons, mais à ce point-là... Oh non, monsieur, ne dites pas ça, enfin, c'est pas gentil. Bah oui, c'est pas ce que je t'aime. Mais non, monsieur, c'est pas bien de dire des choses comme ça. C'est ça. Mais non, monsieur. Bon, ouais, allez, je vous embrasse fort et je vous rappelle demain. Hein. Bisous, bisous. Tiens, quand même. D'accord. Allez, à demain. Hein. Eh ben voilà, très bien. Bon, on va le rappeler demain, Loka. Bah oui, avec maman. Hein. Eh ben en plus, il sera ravi. Puis Amina sera ravi aussi. Bref, tout le monde est ravi. Un charmant. Mais évidemment, tout le monde est ravi. C'est ça, c'est génial. Évidemment, bon, oui. Eh ben, de quoi? Non, c'est bien. Si, je suis ravi. J'ai tellement hâte, mais tellement. Ah, ben je me disais bien que t'avais hâte. Eh ben voilà, très bien. Bon, on va faire ça dans un instant. Là, vous bougez pas de là. On va récupérer tout le monde aussi en direct. Là, 01 40 71 5000. Si vous voulez passer dans l'émission, bah là, vous pouvez nous appeler. Hein, n'hésitez pas, évidemment. Ça fonctionne aussi depuis la Suisse. Si vous êtes connecté depuis la Suisse, le 0800 83 136. Et même si vous êtes complètement à l'étranger, pour le coup, hein, vous pouvez nous appeler au 00 33 1 40 71 5000. Bon, on écoute le son de l'artiste maintenant. Ça paraît un bon plan, ça. On y va, l'artiste. Amina, ça t'entend, si oui, ça vous ennuie, vous le dites, hein, je pose la question pour savoir si ça vous plaît. Session, on n'a pas le choix. Tout le monde s'en fout. C'est un bon plan, l'artiste. C'est dingue, ça, quand même. Amina adore. Je vous jure. Non, mais c'est vrai, elle est bien. Allez, 20h40, passez un bel été. C'est Mickaël, on est là tous les soirs à partir de 20h. Et on va se faire le jeu Taxi du Bled à suivre. Y'en a qui sortent en équipe avenue Montaigne, François 1er. J'suis avec ma go enfouraillée au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un proto marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Aime là que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem. Sur Énergie, 20h43, vous bougez pas, on se fait la pub rapidos, on revient juste après avec le taxi du bled, avec Lisa, avec Philippe qui veut nous parler de, du voyage qui lui a coûté le plus cher, et puis avec Jérôme, on joue au taxi du bled. Ne bouge pas, ne bouge pas. Mickaël sur Énergie revient juste après ça. Vous élisez chaque année, grâce à Énergie, les top DJ mondiaux. Yeah. Énergie, les DJ Awards 2018. Ils attendent vos votes maintenant. Et tout l'été sur Énergie.fr. Et le 7 novembre, dans le cadre du Mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. The award goes to Salut, c'est Aymeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram. Vous passez vos nuits d'été avec les DJ Star Energy. Tous les soirs, tout l'été, ils mixent dans Energy Extravadance. C'est Tiesto sur Energy. Martin Garrix, Afrojack, c'est David Guetta, Offenbach, Dimitri Vegas et Like Mike, Feder, Showtech, Bob Sinclair, Hey Heart Will Hear, Martin Solveig, Stevie Aoki, Armin van Buuren. Energy Extravadance, ce soir, minuit. Sous Énergie, la radio des top DJ mondiaux. Une pensée pour Mickaël et toute la team qui vont passer les vacances avec toi. Avec toi. Ils sont là. Que tu sois en France ou à l'étranger, ils sont là. Tu fais la sieste, tout tu bronzes. Ils sont là. Sur Énergie, de 20h à minuit. Eh oui, allez, 20h45, dans un instant, le taxi du bled, et puis on va récupérer Philippe à Palaiseau. Est-ce que tu es là, Philippe ? Non, mais Philippe, c'est pas possible, Philippe. Philippe. Je suis là. Je croyais que tu faisais exprès. Je dis, il se fout de nous, c'est pas possible. Bon, très bien. Bienvenue, Philippe. Alors. Merci. Tu nous appelais par rapport, bon, on en parlait tout à l'heure, hein, vu que c'est le patron d'Amazon là, qui a lancé un nouveau délire, c'est-à-dire pour partir dans l'espace, tarif entre 170 et 260 000 euros, rien que ça, c'est bagatelle pas quoi. Mon budget pour l'instant. Bon, voilà. Du coup, je me suis demandé si vous aviez déjà dépensé genre vraiment beaucoup d'oseille pour un voyage, si oui, combien et est-ce que vous avez regretté ou pas justement. Alors, qu'est-ce que tu as dépensé toi? Alors moi, j'ai dépensé presque 9 000 euros. Oula, ah oui, quand même. Ouais. Je suis parti avec mes enfants, enfin, ma femme et mes enfants, on était quatre, deux semaines à New York. Ah ouais. Ah ouais, et deux semaines à quatre, ouais, bah ouais, ouais. Ouais, et on a fait tout. On a fait l'hélico, on a voyagé, on a pris l'hélico, t'es au-dessus de Manhattan. Ah oui, mais que... Ah ouais, t'as fait juste en grand, toi aussi. Ouais. Ah oui, c'est un rêve de gosse. Et tu sais, je t'ai appelé il y a une semaine, c'est moi qui avais eu un accident de voiture. Tu sais que j'étais passé sous un camion, voilà. Donc en fait, après, si tu veux, t'as pas la même cul. Dans la vie, après, tu le vois plus pareil. D'accord. Donc tu te dis quand t'es passé par là, donc voilà, maintenant on fait un budget tous les ans. Alors des gros voyages, c'est tous les 3 ans, à peu près 4 ans, tu vois, dit comme ça. Ouais. Et autrement, tous les ans, on essaie de bouger un peu, mais bon, en Espagne, tu vois, en Italie, petit truc. Et là, vraiment, non, c'est. Et je regrette pas, hein, c'est, ça sera à refaire, je le referai. Hein. Si tu regrettes à ce prix-là, ça compte. Non, mais enfin, si tu veux, il n'y a que ça, quoi. Quand tu vas. Moi, j'ai loué un appartement en rez-de-chaussée à Brooklyn, dans la rue, c'est Henry Street, en fait. Henry Street, c'est ce boulevard principal de Brooklyn. Et là, c'est trop bien. Moi, si tu veux, je voulais vivre comme les New-Yorkais. Donc, on se levait le matin de bonne heure, on prenait le métro avec eux, tu vois. On rentrait le soir. Tu prenais le café et tout, là. Le thermos. Le footing à Central Park. C'est exactement ça. Si tu vas te poser à Central Park, t'enlèves tes pompes et tu fais les toits, tu mets les doigts de pied en éventail. Tout bien. Juste quoi. Un truc, l'Américain de base bosse énormément. Ah non, mais c'est un truc de fou. Moi aussi, moi, je bosse en moyenne 15 heures par jour. Donc, si tu veux, voilà. Moi, pour te payer des vacances pareilles, t'as dû bosser. Hein. Grave, parce que 9000 balles, il faut quand même avoir l'air insolide. Ouais, bah, c'est un bon 3 ans d'économie, quoi. Mais bon, je regrette pas. Franchement, ce sera à refaire. Après, tu t'as fait un kiff. J'espère qu'on va le refaire d'ici 2-3 ans, tu vois. Mais c'est, franchement, c'est extraordinaire. Il n'y a qu'à New York que tu peux jouer au beach volley à Brooklyn. Tu joues au beach volley à Brooklyn. Tu peux pas jouer à Brooklyn autre part, ça n'existe pas à Brooklyn. Voilà, mais non, mais t'es sur les quais, de Brooklyn, en face t'as Manhattan, et tu joues au beach volley, toi. T'es en short à fleurs et en t-shirt et en pieds nus sur du sable. Ah, enfin, tu vois. Ils ont quel âge tes mômes, toi, Philippe? Alors, moi j'ai deux filles. Une qui a 12 ans aujourd'hui et l'autre qui a 10 ans. Ouais, ça va. Donc, parfait. Ouais. Parce que quand ils sont petits, franchement, c'est chiant de claquer une tonne d'oseille alors qu'ils vont pas s'en rappeler. Surtout qu'ils n'ont rien à foutre. Non, mais tu sais que moi ça m'a d'autant plus marqué parce que quand on est rentré de New York, elles ont mis un mois pour s'en remettre. C'est-à-dire tous les soirs, elles pleuraient. Tous les soirs, elles pleuraient avant de se coucher parce qu'elles disaient « Papa, c'est trop bien New York, c'est quand qu'on y retourne. » Ah, je te jure, c'est incroyable. Moi, ça m'a marqué parce qu'on marchait à peu près 8 heures par jour, tu vois. On a tout fait, hein. On a été sur la caserne des pompiers, tu sais, où ils ont tourné les SOS fantômes. Ah oui, toi, t'as vraiment tout fait, quoi. Ah, j'ai tout fait, ouais. Ma femme avait préparé un roadbook, tu vois, vraiment. Un truc de fou. Et en fait, quand on s'est pointé là-bas, bon, avant de partir, j'ai ma belle-mère qui dit « Ouais, qu'est-ce que vous allez faire deux semaines à New York ?» Mais on aurait pu rester un mois. Franchement, j'ai déjà été à New York et même si je suis allé plusieurs fois déjà, t'as jamais fini quoi. T'as jamais fini. En plus, la ville bouge tout le temps. Alors, je dis pas d'une semaine sur l'autre, mais tout, tu vas d'une année à l'autre, tout a changé. Enfin, tout. Il y a plein de trucs qui ont changé. Tu dis putain, il y a pas ça. Ce bâtiment, ils l'ont enlevé, ils ont mis un autre. T'as l'impression que c'est un Lego. Ouais, tout à fait. On a fait le trajet où il y a le train, où il y avait l'ancien train qui traversait New York là. Ah, la Green Line. Ouais, voilà, ça, tout est le jardin maintenant. Bon, c'est l'Expo, on a fait. Voilà, on a été à Statue de la Liberté, on a fait, évidemment. Alors, le truc bon, bah, très bien. Avoir, en tout cas, t'as fait le tour, quoi. 9000 balles, tu me diras en même temps. Et un truc qu'on ne savait pas, ça, faut prévenir les gens. Moi, je ne le savais pas. Pourtant, je me suis rencardé, mais je ne le savais pas. La Statue de la Liberté, pour monter dans la main, c'est dans le flambeau. Ouais, il faut réserver un an avant. Il faut réserver. Ouais, il faut réserver avant. D'accord. Moi, tu vois, je sais même pas. Mais j'ai jamais été, c'est pas un truc qui m'a plus intéressé. Il faut réserver des mois et des mois à l'avance. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Arrivé là, si tu veux, t'as mis des gâteaux, t'as les mouettes, elles ont tellement l'habitude qu'ils descendent. Des mouettes énormes, hein, tu crois, des dindes, je te jure, c'est le vrai truc. Et elles descendent manger, elles sont en survol, tu vois. Est-ce que t'as été voir le Concorde? Oui, bah, il y a le. Comment? Il y a la. la base militaire. Il y a une base militaire. Ouais, tout à fait. Il y a un Concorde, il y a un Concorde dedans. Non, c'est pas une base. Enfin, c'est un navire. C'est un avion, ouais. C'est un porte-avions. Un porte-avions, ouais. Ouais, ouais, t'as un sous-marin aussi. Ça faut visiter aussi. Alors moi, je fais 1m85, tu vois, avec 120 kilos. Pour passer dans le sous-marin. Il paraît qu'effectivement, c'est pas des plus conforts. Ouais. cool, Philippe, en tout cas. Ravi que t'aies kiffé. Et c'est quoi le prochain voyage que t'as prévu? Écoute, le prochain gros voyage, c'est l'Afrique du Sud. Ça, c'est ma femme qui voulait y aller. Donc, c'est l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande. Ouais, ça doit être dans 2 ans. Cette année, on va juste à Majorque. Bon, c'est pas mal. C'est bien déjà, Majorque. Cette année, on va 3 semaines à Majorque. Et dans 2 ans, on va faire. On te le souhaite en tout cas. Hein, je te confirme, c'est une ville de ouf, c'est clair. Merci en tout cas, Philippe. Ouais. Merci à vous et continuez comme ça, les enfants. Salut à toi, à bientôt Philippe. Ciao. Bye. Enjoy. Bon, Christian, on devait te reprendre à propos des assurances, je me souviens plus maintenant. Je le vois encore dans le standard, je pose la question. Christian, c'est celui d'hier ? Non, ça c'est. Jean, c'est chez Jean. Oui, Christian. Non, on t'a déjà dit au revoir, Christian. Oui, mais je voulais participer au jeu du Tactical Blade. Ah oui, c'est pour ça que t'es encore en standard, autant pour moi. Mais là, ce soir, on a déjà quelqu'un, Christian, du coup. Je vais te repasser à Mina pour voir ça, d'accord ? On gère. D'accord. Ça roule. Salut à toi, Christian, à bientôt. Salut. Il y a Lisa qui est avec nous maintenant à Pontoise dans le 95. Bonsoir, Lisa. Bonsoir. Comment ça va, Lisa ? Cette petite voix, là. T'as quel âge, Lisa ? J'ai 12 ans. Ah bah très bien, une petite jeunette, très bien, salut Lisa. Bon, je rappelle que les 12 sont les auditeurs d'énergie qui ont moins de 14 ans et pas encore muets, évidemment. Alors, Lisa, raconte-nous un petit peu, t'aimerais bien faire quel voyage, toi? Moi, je suis déjà partie en voyage. Ah bon, t'as déjà été où? Je suis partie en Australie, en Grèce et au Brésil. Lisa, 12 ans, ça va la vie, tranquille. Tu te mets bien. Ah ouais, t'as vu un peu de pays, toi. Ah ouais, mais comment ça se fait? Genre en vacances ou genre tes parents bossent et t'as dû les suivre, tu vois? Non, en vacances. Ah ouais, bon, et quoi, genre longtemps? Parce que bon, la Grèce encore ça va, c'est à côté, façon de parler. Mais alors Australie et Brésil. Non, je suis resté une semaine. Une semaine en Australie? Ah, c'est un peu court. Hein. Bah, t'as déjà quasiment une semaine de trajet aller-retour. Ouais, c'est donc, ça. Il te faut une autre semaine pour te remettre de. Du décalage horaire. Non, parce que pour le coup, véridique, il y a 24 bonnes heures là pour y aller, 24 pour revenir. Avec le décalage horaire, tout le bordel, c'est compliqué. Hein. Ils ont fait d'autres pays. Vous n'avez pas fait que l'Australie ici? C'est déjà pas mal. Non, mais pendant que. Sur le trajet, je veux dire. Sur le trajet. Lisa. Oui. Vous avez fait plusieurs pays ou vous avez fait genre Paris, Sydney, non-stop? Enfin, façon de parler. Non, on a pris l'avion. Oui, non, mais je me doute bien que vous n'êtes pas à pied. Mais en voiture, tu sais. Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez fait d'autres pays? Genre, vous avez peut-être été voir la Corée du Sud pendant quelques jours, puis après, vous avez enchaîné avec, j'en sais rien, Bali, ensuite, vous avez été en Australie, vous êtes resté une semaine, tu vois, ou vous avez juste fait l'Australie? Non, juste l'Australie. Bah, en même temps, une semaine. Et pendant une semaine, vous êtes parti qu'une semaine? Oui. Eh ben dis donc, c'est un peu con parce que, enfin bon après, je sais pas pourquoi vous êtes parti là-bas pendant une semaine, mais c'est un peu con parce que ça coûte tellement d'argent pour rester une semaine, tu profites même pas, t'as le temps d'arriver, tu repars. Ah, on y va. Bah c'est vrai, hein. Franchement c'est dommage, mais bon, tant mieux, t'as déjà vécu, t'as déjà vu du pays, Lisa, du coup, t'es 12 ans, toi, c'est cool. Il y a déjà d'autres voyages qui sont prévus avec tes parents, là? Non, enfin je sais pas. D'accord, ok. C'est déjà pas mal. Très bien, c'est déjà très bien, effectivement. Et moi j'ai une question, t'as des frères et sœurs, Lisa? Comment? T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur. Oui, mais papa les fait travailler dans la cave pour qu'on puisse. Mais il est fou celui-là. Ça, c'est son côté belge, ça. Bah oui, il est con aussi celui-là. Ah ouais, une famille de 4 comme ça, pas mal. Et pourquoi là? Ah oui, 4. Ah bah oui, en plus, tu l'as payé pour les 4 là, mec. Bonne chance. Ah bah ouais, bon, pour pas aller insolide, heureusement. Bon, bah Lisa, merci d'avoir appelé en tout cas. Au revoir, merci. Salut, à bientôt. Salut, Lisa. Et dites-nous si vous êtes déjà parti genre en vacances bien loin, enfin bien loin ou pas forcément, mais en tout cas ça vous a coûté cher. Et est-ce que vous avez un regret ou pas? Tiens, comme on est en pleine vacances et ça peut être pas loin, même en Espagne, la voiture elle tombe en panne, ça te coûte vite cher. Hein. Ah bah je te confirme, 01 40 71 5000, vous nous appelez, on va se faire le son d'Imagine Dragons et puis juste après le taxi du bled. 20h55, bonne soirée sur NRJ. Confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes. politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Dans quelques minutes, le son de Nystro. La la la la la. Il y aura aussi Banks and Ranks. Et Kaigo également. Et puis vous en direct, 01 40 71 5000. Zacharia qui dit avec ma mère, on est allé au Sénégal pour voir la famille. On était 5 personnes pour 3-4 semaines, je crois. Ah bah ça va, ça vaut le coup encore 3-4 semaines. Ah oui. Au moins tu rentabilises un peu le billet d'avion, quoi. Mickaël. Mickaël. Passe en mode été. Été. 20h minuit. T'as bien entendu. 20h minuit. Alors soyez là avec nous tous les soirs. Sur Énergie. De 20h à minuit. Tout à fait. Bon, et il y a un auditeur qui nous avait dit, effectivement, j'ai perdu son message, bref, qu'on devait reprendre des nouvelles de notre ami Georges. Il avait eu un rencard, souvenez-vous, on devait l'appeler, on a oublié. Ah donc oui. On va l'appeler ce soir pour voir comment s'est passé son rencard. Est-ce que oui ou non, non. Ça a été quoi. Et Jean-François qui dit son rêve, lui, c'est de partir en Belgique avec Polo pendant une semaine. Voilà. Ah bah ça, c'est un beau voyage. Mec, un beau voyage. T'as vraiment des rêves de merde. Très beau voyage. Axel qui dit de très bons appels bienveillants. Quel talent ce Toff. Oui, oh bon, merci Axel. Sûr, merci. Bonsoir à toute l'équipe. Coup de pelle dans la gueule de Toff. C'est Yannick de Blois. Avec plaisir. Et Donifan, c'est parti jusqu'à minuit. Super content de vous retrouver. Merci Donifan. Et venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter et Instagram, les amis. Hein, si vous voulez voir la photo d'hier, là, Amina en mode pin-up, qui a cartonné en termes de like, improbable. M-I-K-L officiel. Merci. Non, mais je dis improbable dans le sens où c'est incroyable quoi. Ben non, c'est ça. C'est ouf, ouais. C'est ouf. C'est comme un chat. Quand tu mets un chat, ça fait ça. Ouais. Un chat, un petit chien, un bébé, marche toujours. Tu mets la gueule de Toff, les gens, bah, ça. Ah bah là, là, c'est un flop, hein, flop total. Donc Mickaël officiel, si vous voulez venir me rejoindre, si vous venez me dire me follow aussi sur Twitter, sur Instagram, vous êtes bien sûr les bienvenus. On se fait le taxi du bled avec Jérôme qui est avec nous maintenant dans le 57 à Folkling. Salut Jérôme. Salut Mickaël. Comment on va? Très bien, et toi? Eh ben très bien, Jérôme. On va jouer au jeu du taxi du bled. Oui. Ouais. Je t'ai envoyé avant, c'était moi le message que tu devais rappeler Georges pour son rendez-vous. Ah, c'est toi? Bah putain, merde, ouais. Le hasard. Évidemment. Eh ben écoute, très bien. Bah tu vois, on va le faire. C'est Amina, elle a oublié. Hein. Ouais. Comme rien lui demander. Hein, bah, rien lui demander. Elle est tellement bête. Pas moi qui l'ai dit. Non, non. Bon, donc on va jouer maintenant au taxi du bled. Le taxi du bled, c'est simple. Tu vas choisir quelqu'un que tu vas devoir affronter, Jérôme. Dans un instant, on va savoir que pour l'instant, le plus facile à battre est Toff avec 2 défaites. Je suis derrière avec 1 défaite. Ensuite, il y a Polo avec 1 victoire et Amina avec 3 victoires de suite. Et oui. Comme quoi, tout arrive. Au sommet. Et donc, ben, attends, vous avez joué à quel jeu hier? T'as gagné, Polo, mais Amina. Oui, mais on n'est pas le chrono quiz. C'est le chrono quiz, oui, effectivement. Avec Scotland Yard. Avec Scotland Yard. Avec Scotland Yard, exactement. Et puis avec la surprise sur le gâteau, ça c'est aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Une belle semaine hein, qui commence. Une belle semaine, ouais. Bon, c'est Jérôme, tu choisis de jouer et d'affronter qui? Polo. Polo, très bien. Au taxi du bled, le principe du jeu, très simple. Vous allez appeler chacun à votre tour. On appelle des sociétés de taxi. On ne sait pas dans quelle ville on sera. Dans quelle ville on va être d'ailleurs? Parce que je vois juste taxi du bled, mais je ne vois pas la ville. Bah écoute, je ne sais pas non plus. T'as Marseille par contre, ça c'est sûr. Marseille, bon, très bien. On va appeler à Marseille déjà et puis on va voir pour les autres villes. Et donc, du coup, Jérôme, si tu commences ou tu laisses Polo commencer? Je commence. Tu commences, très bien. Donc, si le taxi décroche, bah évidemment, t'es à Marseille. Donc, tu dis que t'as besoin d'aller de Marseille à, j'en sais rien, moi, Amsterdam, Londres. Enfin, bon, bref, loin. Le but, t'arrives à le convaincre que c'est qu'il soit OK. Tu lui dis, hein, peu importe où t'arrives, j'en ai rien à foutre. Le but, c'est qu'il dise OK. OK ? OK, ça marche. Allez, hop, c'est parti. On y va. On appelle à Marseille maintenant. Et bonne chance, Jérôme. Merci. C'est parti. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle car j'aimerais que vous me déposiez à Zagreb pour samedi, si c'est possible. Pardon? Vous êtes bien une société de taxi? Oui. J'aimerais que vous me déposiez à Zagreb samedi matin, départ samedi matin, si c'est bon pour vous. Peu importe le tarif, je vous paierai. Le tarif que vous voulez, il sera à vous. Pour Zagreb? Pardon? Pour Zagreb, vous me dites? Oui, à Zagreb. Oula, ça fait un peu long, ça. Mais peu importe le tarif, je peux pas prendre l'avion. J'ai la phobie de l'avion, j'ai la phobie du train. Le seul moyen, c'est la voiture. Et malheureusement, j'ai pas de véhicule à ma disposition, donc je fais appel à vos services. Peu importe le tarif qu'il y a, je paierai. D'accord. Alors écoutez, ce qu'il faudrait, c'est déjà que vous m'appeliez par un téléphone et pas en inconnu, parce que vous m'avez appelé en inconnu, là. Ah ben je suis désolé, au pire dites-moi oui ou non et je vous rappelle après pour régler toutes les formalités. Écoutez, moi ce que je vais faire, rappelez-moi avec votre numéro et je vais vous donner un autre numéro. Est-ce que vous seriez d'accord? Non. Ben, logiquement oui. Hein. Allez, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes mon seul recours. Envoyez-moi déjà votre numéro de téléphone et vous partez d'où? De Marseille? De Marseille, ouais. Ok. C'est d'accord pour vous ou pas? Moi personnellement non. Pour samedi, ça sera pas Zagreb, ça fait long, mais je peux vous mettre en contact avec un autre taxi. Ben voilà, même si c'est un autre chauffeur, peu importe. Bon, j'ai raccroché, mais à 1 minute 15. Si, à 1 minute 15, j'ai dit d'accord. Mais après, il lui dit non. Oui, non, mais peu importe, après, on s'en fout. À partir du moment où c'est oui, c'est oui. À 1 minute 15, il a dit oui. Oui, ouais. Bah oui, attends, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, il a dit oui, après, il lui a dit non. Non, parce qu'il lui dit non. Après, il lui a dit oui, mais je vais vous donner un autre chauffeur. Il a dit, je vais vous donner. Rappelez-moi sans numéro. Numéro masqué et après je vous donne un autre numéro. Non, il lui a dit moi non et il lui dit c'est possible avec un autre chauffeur. Non, si, à 1h15, si, il a dit bah sur le principe moi oui hein. Ouais, moi je suis d'accord. Moi, non, pour moi, 1 minute 15, c'est bon. Non, il n'est pas d'accord puisqu'il va l'envoyer sur un autre chauffeur. Oui, il est d'accord sur un autre chauffeur. Bah, donc il est d'accord. Non. Mais peut-être que c'est un chauffeur de sa société, j'en sais rien. Peut-être que lui veut pas, il a peut-être une taxi. J'en sais rien, moi. Bon, Jérôme, 1 minute 15. Allez, on va aller à Saint-Denis, tiens, avec Polo. Allez hop, on y va en 93. Ouais, je trouve qu'on aurait dû faire l'inverse. Pour... Allez, à Marseille, bah oui, ouais, c'est bien. Ouais. Allez, c'est parti. Allô ? Oui, allô ? Bonsoir. J'ai une question à vous poser parce qu'en fait, je cherche à aller à Bruxelles. Vous savez, pour les Belges, même s'ils sont perdus pour la Coupe du Monde, je voulais savoir si c'était possible que vous m'emmeniez ou pas, parce qu'il y a des problèmes de transport, il y a les grèves là en ce moment, et j'ai un petit souci pour demain. Demain ? Ouais, c'est possible ou pas ? Juste, peu importe le prix, hein, vous, après, moi je paye tout, les péages et tout, je me bien, même à bouffer, puis on remonte juste à Bruxelles, quoi. Ouais. C'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure ? Pas du tout, non. J'étais en réunion, donc j'ai pas pu vous appeler, non. Ok, d'accord. Demain, c'est... C'est possible. Ah bah, si vous payez, il n'y a pas de problème. Ah oui, bah bien sûr que je paye. Je rince, attention, parce que là, j'ai un rendez-vous important. Hop, c'est bon, j'ai raccroché. Ah 44 là secondes. Victoire qu'est-ce de Polo. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Polo. Et en défaite fait, de Jérôme. Vous savez quoi ? Je crois que je dois être belge quelque part parce qu'à chaque fois la Belgique me porte chance. Ah, c'est tu fou, vois, hein, tu les accueillis. Si tu les accueillis. Exactement, exactement. C'est pas très très loin. Hein. Bon, il y a quand même 300 bornes. Disons que comme il y a le taxi, il y a le taxi. Allez. Après, t'étais pas obligé d'aller à Zagreb. Hein, t'avais qu'à dire à Alger, c'est à non, côté. Non, franchement, oui. Bruxelles, c'est. Ouais, tu m'as dit des longues distances. Moi, j'ai pris les longues distances. Hein. Ah, non, mais d'accord. Mais bon, c'est 300 km. Non, mais à partir de côté, pour le coup, tu le peux faire 5 fois par jour sans problème. Hein. Non, mais voilà, tu vas pas l'appeler pour dire je veux aller à Marignane. Le mec, il va te dire ok, pas de problème. Évidemment, c'est à côté, c'est l'aéroport. Ouais. Là, il y a quand même 300 bornes. Tu prends pas le taxi pour faire 300 bornes d'habitude. Par contre, t'aurais dû lui dire Paris. Ah ouais, t'aurais dû dire Paris, c'est vrai. Bonjour, malheureusement. Non, c'est perdu, c'est pas grave, tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord ? Et la deuxième victoire donc pour Polo qui se rapproche donc d'Amina qui est à une défaite. Je suis sûr qu'elle va arriver à une défaite. Oh là là, c'est Bagdad chez Jérôme là. Ouais, chez Jérôme, c'est Bagdad, j'ai coupé. Bon, allez, on s'écoute Nystro maintenant. Et 21h07, on va revenir juste après avec vous en direct, 01 40 71 5000. Si vous voulez nous appeler pour parler notamment des vacances, est-ce que vous avez déjà cramé beaucoup d'oseille pour partir quelque part avec ou sans regret? Appelez-nous et on en parle. On écoute d'abord Nystro, 21h07, bonne soirée sur Énergie. Una mattina, mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi son svegliato. Ed ho trovato l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes, oh mon amour. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et je l'ai fait pour toi, je t'en prie pardonne-moi. Et à contre-cœur, oh. La la la la la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les sens non plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure mais le cœur dur. La la la la la, la la la la la. Oh bella ciao. Portami via, che mi sento di morire. La la la la la, la la la la la. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sur NRJ. Cet été, la meilleure chose à faire, c'est d'écouter Mickaël et toute la team. Sur NRJ de 20h à minuit. Avec tout à l'heure le jeu du Janul et on fera également un nouveau jeu demain, si d'ailleurs vous avez envie de vous inscrire. Nouveau jeu donc avec. Mais en gros, c'est un peu le même principe qu'on avait déjà fait avec quelques améliorations, mais vous les verrez demain. Si vous voulez faire croire à votre copain ou votre copine que vous avez décidé de tromper un soir. En gros. Le but, évidemment, c'est qu'il ou elle s'énerve. Donc, si vous avez un copain ou une copine assez bouillante qui s'énerve assez facilement, eh bien, appelez-nous 01 40 71 5000. Oui, c'est vrai. Bon, je pense qu'avec elle, Amina, ça peut être un très bon choix. Donc, voilà, si vous voulez jouer avec nous à ça demain, 01 40 71 5000. Si vous avez un copain ou une copine, un petit copain ou une petite copine qui est très, très jaloux, eh bien, appelez-nous. On va lui faire croire que vous avez décidé de le tromper un soir avec quelqu'un d'autre. Et puis, on va voir sa réaction. Voilà. Évidemment, tout ça est faux, bien sûr. Donc 01 40 71 5000. On écoute Buddy Banks dans quelques instants. Et avant cela, il y a Jennifer qui est avec nous, 31 ans à Toulouse. Salut Jenny. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Comment ça va Jennifer? On était chez toi. Eh bien, ça va. Non, pas encore. Là, je rentre du travail. Non. Là. On disait qu'on était chez toi hier, ce week-end, lundi, on était à Toulouse. Oui, exact. Oui. Ça a été une fête de folie, apparemment. C'était très sympa. Moi, j'y étais pas. Apparemment, t'es pas passé nous voir. Non, t'es pas passé nous voir. Non, je suis maman, j'ai les petites filles à garder, donc. Mais j'ai eu de très bons échos. Mais attends, mais toi aussi, il est père de plein de petits garçons et petites filles un peu partout dans le monde et il était là. Hein. Ouais, moi, bon. Je les connais pas, donc c'est pas grave. Ouais, c'est horrible. Ça. Chacun voit vivre à sa porte, hein, comme on dit. Certes. Bon, Jennifer, on parlait voyage, vas-y, raconte. Et ben voilà, donc moi c'était pour réagir en fait, et c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai la chance de pouvoir amener mes filles en fait, de les faire voyager à travers le monde, donc tout a commencé il y a 2 ans où on les a amenés. Ah ouais, en fait, tu peux pas aller au coin de ta rue, mais par contre tu peux aller au bout du monde. J'avoue. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça, clair. Je peux pas aller à Toulouse. Non, en fait, donc on a commencé par les Bahamas, on les a amenés aux Bahamas. Sympa, à quel âge elles avaient ou? Et elles avaient 5 et 6 ans. Ah ouais, Bahamas, carrément, tranquille. Bahamas, ouais, et elles ont vraiment kiffé parce qu'on les a amenées à l'hôtel Atlantis, en fait. Je sais pas si vous voyez. Bien sûr, je vois très bien. Ouais. Voilà, moi, je vois pas, pour les pauvres, c'est quoi, pardon? Oui, moi non plus. c'est un énorme hôtel où t'as 150 000 piscines, des toboggans, des trucs. T'as tout intérieur. Souvent, il y a le World Poker Tour qui tourne là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, pas mal. Et donc on les a amenés là-bas. Et puis là, l'année dernière, on est parti en Polynésie française. Donc on a fait Tahiti, Moréa et Bora Bora. Ah, donc, super bien. Donc là, elles ont kiffé. Encore un voyage difficile. Tu sais que moi, j'y suis allé il y a 2 ans, j'avais gagné ça. Merci Air France, d'ailleurs, qui m'avait offert le billet. Mon anniversaire, ouais. Parce que t'avais joué à un jeu. Anniversaire, j'avais participé à un jeu et du coup j'avais gagné 2 billets pour aller dans destination au choix desservie par Air France ou KLM. Donc du coup évidemment j'ai eu la meuf au téléphone. Oui, vous avez gagné. J'ai dit, ah bon, c'est vrai. Franchement, je m'y attendais pas. J'avais joué comme ça, mais bon. Et donc du coup, oui, est-ce que vous voulez partir? Écoutez, je sais pas. Je vais regarder sur le site. Je dis, qu'est-ce qui est le plus cher? Ah bah la Polynésie française. Parfait, je vais là. Tant qu'à faire. Attends, tu sais combien coûtait le billet? Ah ben c'est très cher. Oui, ben oui. 3 800 euros par personne. C'est en ça. Premier. Ouais. Non, en écho. En premier écho, je crois, comme ça. Ah ouais, c'est très chaud. Nous, le voyage en Polynésie à 4, il nous a coûté 19 000 euros. Oh là là. Ah ouais, rien que les billets d'avion, on a payé 9 000 euros quoi. Bah voilà, et encore, mon Dieu. Je crois, et encore à ce prix-là, t'as fait un effort, enfin t'as pas été sur les hôtels sur pilotis, non, tout ouais. Le bordel. Ouais, mais sur pilotis on peut pas parce que sur pilotis déjà, c'est avec pas les plus enfants, deux enfants ils veulent pas, c'est qu'un enfant. Et à Bora Bora, on était chez l'habitant en fait, et c'était magnifique. C'était encore mieux, je pense, que les hôtels un peu bling bling, parce que finalement, on a vraiment rencontré des personnes authentiques. C'était très sympa. Ouais, je pense que quand t'es à Bora Bora, si t'es pas sur un truc sur pilotis, tu peux t'en remettre. Non. Dans l'absolu, c'est pas très grave. Hein. Oui, non, oui, c'est pas très grave. Ouais, après, après moi, je pense que c'est le plus important. Ça coûte c'est très le cher quand même. Hein. Ah ouais, c'est clair. Très cher quand même, c'est pas donné. Parce que moi j'ai un pote qui fait de la radio là-bas sur Radio 1 et qui m'avait enfin que j'ai été voir là-bas et donc lui il s'est vraiment mis en mode polynésien, c'est-à-dire que le gars c'est en fait ils sont tous comme ça. En fait, ils te donnent des rendez-vous, ils viennent jamais. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment à la... des îles quoi. C'est, ils sont là, bon, on se retrouve à 14h. OK, d'accord. T'arrives à 14h, t'essayes de l'appeler, impossible, il décroche pas, il donne pas de nouvelles. Tu dis mais attends, il se fout de ma gueule. Et il arrive à 16h. Des îles, moi, c'est sûr. Mais franchement, toi mais tu dois habiter là-bas. Oui. Il arrive à 16h, il dit mais quoi? Je dis bah attends, on avait dit 14h. Oui, mais bon, plus ou moins. Hein. Plus ou moins, ça fait 2 heures, je t'attends. Je vais aller ah ouais, Aminel, ah, ils sont là-bas, pas, c'est ils sont sûr. Pas stressés. Hein. Là-bas, ils sont pas stressés. Puis c'est, ah bah, notre, ça, c'est notre époque. C'est presque tu reviens 30 ans en arrière, en fait. Ah ouais, ouais. Mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Dans le bon ouais. sens, en fait, les gens, ils sont tranquilles. Tu sais, toi, t'arrives en européen, français, parisien, c'est encore pire. T'arrives là-bas, t'es stressé, l'heure, c'est l'heure, etc. Bon, il te faut une petite semaine et après, t'es à la cool. Puis après, tu reviens c'est chez clair. Toi, c'est la misère, hein, parce que t'arrives aussi avec 2 heures de retard. Amina, si elle va là-bas, elle arrive avec 10 jours de retard. Hein. Ah, c'est clair. C'est la fin du monde. Bon, très bien, non, Jennifer. Bon, donc, t'as et bien voyagé, là, quoi. Ouais, c'est ça. Puis là, cette année-là, dans 15 jours, dans 18 jours précisément, on part à Dubaï. Hein, et donc, du coup, là, on va les amener à l'Atlantis, mais version Dubaï. Ah ouais. Et on va eh faire bah, écoute, aussi, mais si vous avez un deal avec Atlantis ou comment ça se passe? Bon, bah, bon courage, en tout cas, hein, pour Dubaï, parce que ça va faire bien chaud, là, au mois de juillet. Ah, mois il va faire août, hein. Très chaud. Bon, ah, après, on va rester dans les hôtels. On va faire le Burj Al Arab, là. C'est le grand hôtel oui. en forme de voile. Ouais, il est bien aussi, ouais. Bah, en et tout cas, bah, ouais, rappelle-nous après, Jennifer, quand t'es revenue, d'accord? Allez, pas de problème, ça marche, bon, c'est comme ça. Je te fais des allez, bisous, Jennifer. Salut et à toi, la voyageuse. Et pendant ce temps-là, je suis en train de commander un hot dog parce que j'ai la dalle. Voilà. Bah écoute, on fais donc. On n'a pas tous la même life. C'est pas là. T'avais qu'à commander taille avec nous, tiens. Bon, on va prendre Alessandro dans un instant. On se fait les appels bienveillants. On se met la pub en speed et on revient dans un instant avec Bangarangs. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Mickaël sur Énergie. Reviens juste après ça. Partez à Ibiza. Voir Kaigo en mix. This is Kaigo. Avec la phrase Énergie. Ici, c'est Énergie. Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie ou sur énergie.fr. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Énergie, envoie-moi un week-end à Ibiza. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir à Ibiza, assister à la résidence du DJ Énergie, Kaigo. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Hip music only. Salut, c'est Aymeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram. Hé, hey, écoute bien, en ce moment chez Domino's, si on prend 3 pizzas médium, elles sont à 6 euros chacune. 6 euros la pizza? Non, mais c'est pas vrai. Si. Mais alors j'y cours, j'y vole, j'y suis déjà. 6 euros chacune, soit 18 euros les 3 pizzas médium à emporter, hors pizza bon plan et signature, valable jusqu'au 12 août, conditions et Domino's participants sur Domino's.fr. Vous ne me voyez pas, mais je peux vous assurer que la nature m'a beaucoup gâté. Malheureusement, personne n'en a hérité. Ce que je laisse en héritage, c'est un avenir à des enfants atteints d'une maladie rare. Transmettre, ce n'est pas qu'une histoire de gènes. Contactez Delphine du service Legs Donation et Assurance Vie au 01 69 13 22 22 ou sur afm-téléthon.fr. Des jours avec et des jours sans. Des jours soleil et des jours de pluie. Luna merveille danse la nuit. Elle danse, Luna. Elle chante, Luna. Oh la la la Luna, oh la la.

C'est Mickaël. On est sur Énergie tous les soirs avec Dadju dans un instant. Pour eux, c'était été. C'est radio, micro, boulot. Pas de pitié pour les blaireaux. Tout l'été. Ils sont sur Énergie de 20h à minuit. Voilà, tout l'été, on est là, effectivement. Et avant de se faire les appels bienveillants dans quelques minutes, nous allons prendre les Sandro et on continuera à parler, évidemment, des voyages. Est-ce que vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent pour aller quelque part, pour un voyage? Est-ce que vous avez regretté ou pas? 01 40 71 5000. Alessandro, 18 ans à Dax. Bienvenue, Alessandro. Allô, bienvenue. Tu connais Didier personnellement? Merci. Comment ça va? C'est drôle ça. Non mais ça va, ça va, et vous? Bah oui, je sais bien qu'elle avait fait un titre. Oui, très bien, très bien. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qui t'amène, Alessandro? Moi, c'est que j'ai une petite galère. Je voulais parler de ça avec vous. C'est que ma galère, c'est que je sors avec trois filles en même temps. J'ai envie d'en jeter deux. Je sais pas faire quel choix et je sais pas comment faire. Attends, mais comment ça c'est-à-dire que t'es deux. Donc t'en as trois en même temps et tu veux. Bah oui, tu veux en dégager deux, quoi, c'est ça? En même temps, ouais. Comment t'en es arrivé là? Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même avoir la genèse du truc d'abord. Parce que trois meufs. C'était comme ça, j'ai toujours une copine, j'ai dragué une meuf, un truc comme ça, je suis resté avec elle en cachant à l'autre que j'étais avec elle, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, j'ai toujours été comme ça. Ouais, la base, je sais pas quoi, comment vous faites, quoi. Comment vous faites pour gérer trois meufs? Franchement, ouais, c'est clair. Mais ou même une meuf qui trois mecs, c'est pas possible. Ouais, mais et du coup. Mais bon. Mais du coup, je sais pas comment faire. Là, par exemple, là, je suis au téléphone avec vous, je vais m'écarter parce que je suis au restaurant avec une, justement. J'ai l'autre qui a envie de m'envoyer des messages. Pardon, mais là, c'est manque de respect. T'es au resto avec ta go et t'appelles la radio pour dire que t'en as trois autres. Pour c'est le coup, non, deux autres. Non, il y en a quatre en tout. C'est pas ça? Il y en a quatre. Non, il y en a quatre, mais la quatrième, elle compte pas, la quatrième. Ah, comment ça, il y en a quatre? Alors, ça, elle compte pas. Rarement, je la vois pas une fois par mois. Eh, c'est un truc de ouf. Eh, mais c'est une fois le soir après le boulot. Non, oh là, ouais. là, non mais Alessandro. Mais mec, t'as été attends, un secrétaire bon, pour bon, ça. Bon, attends, on va commencer à faire quelques questions quand même. La première. Ouais. T'es avec elle depuis combien de temps? Depuis 6 mois, je crois. Depuis 6 mois. La toute première, ça fait 2 ans. Ah mais ouais. Mais non, là t'abuses. C'est l'officiel, elle. Ouais, c'est la numéro 1, on va dire. C'est la... Ah mais en fait, t'as donc un. Un classement. C'est la number one dans le sens que c'est la première où. Non, j'ai pas de classement. C'est la première avec qui je suis sorti, donc je dis c'est la number one. Après, j'ai pas de classement. Le problème, c'est qu'ils sont tous des filles différentes. Il y en a une, elle est calme. Il y en a une, elle me casse les bonbons tout le temps. Il y en a une. Bah, c'est là, déjà, tu peux la virer si elle t'emmerde. Ah oui. Ouais, c'est laquelle ta vraie préférée? Allez. Ma vraie préférée, je crois, c'est celle qui est encore à Paris. Parce que moi, vu que je suis dans le 40, j'ai déménagé. Je crois que c'est celle qui est à Paris encore. Eh ben voilà, garde-la. Bah, évidemment, comme par hasard, c'est celle qui est là au bout du monde. Ouais, enfin, mais déménager de l'autre côté, c'est un peu difficile. Attends, pardon, on est vraiment en train de donner des vrais conseils à cet individu-là? Bien sûr. Attends, on va l'aider. On aide tout le monde, Amina. Il y a un message de Claire qui dit ça y est, la veine frontale d'Amina va gonfler. Non, mais c'est ça. Non, mais ça choque personne. À la limite, non. T'as 3-4 meufs, voilà, pour rigoler, je sais pas quoi, admettons. Mais ça fait 2 ans que t'as une vraie relation avec la meuf. Genre, elle t'a présenté ses parents et tout. Ouais. Ouais, toi, il y a un problème, tu après vas bouffer chez les darons. Heureux. Bah non, encore laquelle, heureux. Elle se projette avec lui. Est-ce qu'il y en a une que t'aimes vraiment? À part toi. Ouais, le problème, c'est que je sais pas. Celle que ça fait 2 ans, ouais, je suis vraiment attaché à elle. Écoute, moi je vais te donner un vrai conseil. Attaché au bout de 2 ans, ouais. Man, c'est n'importe quoi. Moi je vais te donner un vrai conseil, je pense. C'est vire les toutes et recommence à zéro. Mais non, parce que c'est quelqu'un de foncièrement vide, il a besoin d'être entouré. Voilà, mais c'est vrai, j'ai toujours besoin de quelqu'un à côté de moi. Et bah voilà, c'est la vérité. Bah appelle ta mère alors. Mais non, mais ma mère, c'est pas pareil. Mais non, mais si t'as peur d'être tout seul, tu veux qu'on te tienne la main, bah voilà. Non, c'est pas que j'ai peur d'être tout seul, c'est que j'ai besoin de cette attention-là. Et puis je suis un mec comme ça, enfin, je sais pas. Écoute, c'est bizarre. Sincèrement, c'est déjà compliqué d'arriver à gérer une relation que mettre deux meufs en même temps, et alors pire, trois ou quatre, alors là, c'est improbable quand même. Hein. C'est... Mais je crois en fait que je dois aimer ça, je sais pas comment. Ah bah peut-être en fait, après t'as des mecs comme ça, comme toi en fait, par exemple, qui lui adore les emmerdes. Ouais, c'est ça. Pas du tout. C'est-à-dire ouais, quand en fait, il est pas dans les emmerdes, il crée les problèmes. Voilà, c'est ça. Ouais. S'il est dans une relation saine, tout va bien, il faut qu'il aille se mettre dans les emmerdes à croire qu'il adore. Mais je pense à croire, il adore ça. Je pense surtout à tous les mecs qui galèrent à avoir une meuf. Je dois aimer ça après. Ouais, le problème c'est pas ça, c'est. Le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois, je commence une histoire avec une. Enfin, quand j'en ai plus, je commence une histoire avec une. Le problème, c'est que dès que t'en as une, t'en as d'autres qui arrivent après. Ceux qui arrivent après, mais j'arrive pas à leur mettre des stops, à leur dire non, désolé, je suis en couple. Non, mais c'est parce que t'es un mec facile. Dans un instant, tu vas la passer pour la victime. Non, mais t'es un mec facile. C'est comme t'as des meufs, elles savent pas dire non, bah toi, t'es un mec facile, c'est tout. Parce que dans ce cas-là, il y aura toujours des meufs dans ta vie, mec. Il y aura toujours plus belle, plus drôle, plus intelligente. Si tu sais pas dire non, bah à un moment donné, le problème, c'est pas elle, c'est toi. Hein. Oui, c'est ça, il faut voir. Dites-nous si vous avez déjà eu plusieurs copains ou plusieurs copines en même temps, tiens, pour donner un conseil à Sandro. Jamais. Oui, bah, bien sûr. 01 40 71 5000. Attention, on précise bien, pas une aventure. L'aventure, ça compte pas parce que c'est pas facile. C'est pas très compliqué à gérer une aventure. C'est une fois, deux fois, trois fois, puis après, c'est terminé. Donc voilà. Mais genre, vous avez vraiment eu de double, triple vie. Donc vous êtes avec toutes les meufs en même temps et voilà, vous vivez. Non mais voilà, tu vois, vous avez par exemple genre deux appartements, enfin genre la double vie. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à filer à Alessandro? 01 40 71 5000. De quoi? Non, je disais comme disaient les L5, toutes les femmes de ta vie quoi. Oh là là. Non mais c'est vrai. Et Booba, il a dit vas-y, je vais te mettre terre terre. Ouais. Amina. Oui. Voilà. Merci. Bon, nous allons prendre Virginie en attendant. Virginie, 35 ans, Mulhouse. Bonsoir Virginie. Bonsoir Mickaël, ça va? Ça va, très bien, ouais ouais, tranquille. Bon alors Virginie, qu'est-ce qui t'amène? Ah oui, on parlait des vacances, c'est ça? Eh oui, les vacances qui sont déjà bon. Finies depuis quelques temps quand même, mais c'était très sympa. Bon alors attends, on va en parler dans un instant, je t'en prends après, d'accord? Ça roule. Bon, on aura Samy également, puis on va se faire le jeu du j'annule les vacances, puisqu'on en parle justement. Ah. Si vous avez prévu de partir en vacances avec quelqu'un, avec votre copain, votre copine, les parents, la sœur, le frère, un ami, n'importe quoi, et que vous avez décidé, vous allez l'appeler pour lui faire croire que vous avez décidé d'annuler en dernière minute les vacances. Donc si vous avez envie de jouer et énerver votre copain, votre copine, ou bref, la personne avec qui vous avez prévu de partir en vacances, vous pouvez nous appeler dès maintenant, 01 40 71 5000, voilà. Et puis nous on va jouer d'ici une petite vingtaine de minutes. Il y a des PS4 Pro à gagner, il y a des enceintes Bluetooth Bose, il y a également des casques Bose et des télévisions LED à gagner. Voilà, 01 40 71 5000, on écoute le son de Kygo maintenant sur Energy. It never fades away, it's staying, your kiss like broken glass on my skin, and all the greatest loves end in violence, it's tearing up my voice, left in silence, baby it hits so hard, holding on to my chest, maybe you left your mark, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your friend. You left your mom. Reminding me to forget. You left your friend. You left your mom. There's no room in war for feelings, hurt me to the core, still healing, and I know you're no good for me, so I try to forget the memories, cause baby it hits so hard, I'm holding on to my chest, maybe you left your mark, reminding me to bonne soirée d'abord, avec 21h35, on est sur Energy, bienvenue. L'océan, le sable chaud, la crème solaire. Le camping. Alors ? Les boules. Le barbecue. On attend pas Patrick ? Les balades, l'air pur. Rien de tout ça. Ta. Pour Mickaël, Top, Polo et Amina. Ils sont là tout l'été sur Énergie. De 20h à minuit. Tout à fait. Avec Dadju dans quelques instants sur Énergie qui va arriver. Django. Et il y aura aussi Jeunesse Blue. Keeping on going till we can't go no more. We're gonna allez, 01 40 71 5000 si vous voulez participer à l'émission en direct, évidemment. On va, avant de récupérer Virginie pour parler des vacances, Samy également aussi. Nous allons. Pardon, qu'est-ce qui. Polo, on dérange pas là en train de bouffer l'autre bout du studio là. Ça dérange pas qu'on fasse l'émission? Non, je veux savoir, j'ai comme il s'est installé de l'autre côté là. C'est un truc de ouf quand même, hein, cet endroit. Non, mais attends, mec s'installe, pas de casque à l'autre bout du micro du studio, son micro. Bah, il a raison, mais c'est 20h là, on a faim tout le bah, temps. Bah, on a faim. Mais ouais, cet horaire est pas fait pour nous. Je suis non. Moi, dingue, il m'a dit, j'ai la dalle, je m'emballec. Voilà ce qu'il a dit. Et ouais, bah, je sais bien. Il a dit, je prends ma pause. Ouais, ouais, il a raison, c'est son heure de table. Syndicaliste. C'est normal. Bon, allez, on va sur les appels bienveillants d'abord avec une étude américaine qui dit qu'un rapport sexuel apporte jusqu'à 48 heures de bonheur. Donc, pour être heureux, faites l'amour tous les deux jours. A priori, hein. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Donc, du coup, Tof, tu vas appeler des gens, tu vas leur demander, tu vas leur annoncer la bonne nouvelle. Bah, évidemment. Allez, grâce au numéro que vous envoyez, qu'on t'envoie, décidément, tous les soirs sur le mail de Tof, donc toph@energie.com. Si vous connaissez des gens qui ont tendance à s'énerver facilement, vous pouvez balancer les numéros et ça reste anonyme. Donc, on ne dira jamais qui nous a donné le numéro pour être tranquille. On y va ? Allons-y. C'est parti. Bah alors. Oui, allô ? Ouais. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous avez fait l'amour dans les dernières 48 heures ? La quoi ? L'amour, est-ce que vous avez eu un rapport sexuel dans les dernières 48 heures ? C'est qui là ? Tof, monsieur. Qui ? Tof, mon nom c'est Tof. Vous foutez ma gueule là ? Ah, pas du tout, monsieur, je me permettrai pas. Allô. Vous faites partie de quoi là? Ah ben moi je fais partie de rien monsieur, je vous appelle de chez moi. T'as que ça à foutre? Ah bah oui monsieur, si j'avais autre chose à faire je vous appellerai pas. C'est logique. Ah bah oui c'est vrai. Ah bah oui c'est logique monsieur, enfin bon. Et toi tu l'as fait? Non parce que en fait maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Donc du coup c'est compliqué. Ah merde. C'est tough. Oui, c'est ça, c'est Tof. Ah bah c'est cool. Bon, et donc alors vous avez fait l'amour dans la dernière 48 heures ou pas? Ah bah écoutez, je ne peux pas. Ah vous ne pouvez pas, bah pourquoi? Bah vous voyez les eunuques? Oui. Ouais c'est ça. Bah oui mais ça... Ah oui, vous avez plus rien, ils vous ont tout enlevé. Voilà. Ah oui, c'est embêtant ça monsieur. Ouais très. Bon, j'espère que vous souffrez pas trop quand même. Non, ça va. Bon, bah tant mieux. Eh bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur, et bon courage. Merci, vous aussi, au revoir. Voilà, au revoir. Ah bah, très bien, écoute. Mon Dieu, le pauvre. Oui, il n'y a plus rien. Bon, oh là là. Doit être dur. Bah ouais, on appelle un autre ? Bah oui. Allez hop. On était resté un petit peu sur notre faim, là, quand même. Hein. Bah ouais, c'est trop quelqu'un qui a des couilles. Bah oui. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avez fait l'amour dans les dernières 48 heures. Que ça peut te faire espèce de... Ça peut te foutre, espèce de connard. Là. Oh non monsieur, non mais pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Ah bah très bien, et que ça peut te foutre, espèce de connard, va. Bon, on le rappelle. Écoute-moi, espèce de connard. Prête-moi ta mère et je vais te montrer comment que je fais l'amour. Oh non, monsieur. D'accord. Non, ça se dit pas. Va te faire enculer, espèce de fils de pute. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous. Enfin, ça se dit pas des choses comme ça. Ouais, mais effectivement, ça se dit pas, mais il l'a quand même dit, donc on va le rappeler, hein. Ah oui, mais c'est très vulgaire quand même. Surtout qu'il n'y a pas eu de photo. Ah, en plus. Oui, allô ? Vous faites chier. Oh non, madame, non, pas de ça entre nous. Enfin, ça se dit pas des choses comme ça. Espèce de con. Oh non, madame, non. Espèce de con. Bon, allez, encore une fois, mais je pense qu'on aura. On tire. Oh, eh ben voilà, on tire. Eh ben voilà. Momentanément disponible. Tant pis, je savais qu'on n'en tirerait pas grand chose de cette famille. C'est pas grave. On en fera l'autre dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros à proposer, toph.energie.com. Le jeu du génie des vacances dans un instant. Et Virginie avec nous à Mulhouse. Bonsoir, Virginie. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, tranquillou, c'est cool. Bon, bah tant mieux. Bah écoute, bienvenue à toi. Hein. On récupérera Alessandro aussi, Normand tout à l'heure, qui a ses 4 meufs en même temps. Comment? Tu veux faire un tri? Non, non, je disais qu'on récupérerait Alessandro tout à l'heure, qui a ses 4 filles, 4 copines en même temps. Il voulait savoir laquelle garder. Et donc, toi, Virginie, tu voulais parler des vacances? Oui. Alors je me suis fait un bon trip, en fait. Attendez, deux secondes. T'es où, là? Deux secondes, je te reprends. Moi, ma sœur, elle est partie en Guyane pendant 2 ans. Oula, merde. Elle est partie, elle n'est jamais revenue. Ah bah, elle est partie, là. Alors, Virginie? Virginie? Allô? On va la reprendre. Bon, on va la reprendre après, c'est pas grave. On va prendre Bamba, qui est avec nous, Anne-Maz, en 74. Elle est là-bas, elle est là. Pardon. Comment ça va, Bamba? Oui, ça va bien, merci. Bon, très bien. Bamba, tu voulais réagir à Alessandro, toi, qui nous avait appelé. Il avait 4 copines en même temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, moi, j'en ai 8 et ça me pose pas de problème. Oui, mais en fait, je trouve qu'il a raison, hein, parce qu'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, franchement, elles sont sans pitié. Moi, j'ai 15 copines, disons, c'est plus que 15. Hein, ah, pardon, donc, voilà. Je m'étais arrêté à 8, mais autant pour 15 moi. Meufs. Autant pour moi. J'ai fait combien? 15 meufs. Mais comment ouais, tu fais, 15. Mec? Même pour t'y retrouver? Non, mais comment tu gères? Mais, dis-moi, tu as plusieurs ouais. bureaux. Non, pas plusieurs bureaux, je suis marié avec une Suisse, voilà, j'ai divorcé, et puis bon, voilà, donc je me suis dit actuellement, je vais en profiter, et puis bon, voilà. Ah oui, ça c'est, oui, t'en profites. Hein. Là, t'as monté une entreprise, t'as des assistants, un secrétariat, c'est pas possible. C'est un truc de ouf quand même, là. Ouais, mais je connais même pas les noms, en plus. Je l'ai dit, chérie, mais comment chérie, ça, tu connais pas les noms? Ouais, mais je te jure, hein, j'oublie tellement les noms, je suis obligé, quand j'appelle une, je dis, chérie, ça va, bon, voilà, je vais pas m'étrofer, en fait. Voilà. Mais quel intérêt, bon mec, t'es mon héros. Attends, mais quel intérêt d'avoir autant de meufs? Parce que j'ai eu une déception. Quand j'étais encore très jeune, j'avais 18 ans. Il y a une fille qui m'a montré quelque chose. Voilà, donc je dis depuis ce jour, j'ai dit mais c'est fini. Même mon ex, je l'ai marié. Bon, il n'y avait pas l'amour. Il fallait que je me marie. Bon, voilà, c'était ça quoi. Ah ouais, mais juste voilà. Un rapport avec la déception. Pourquoi, c'est pas parce que t'as une déception amoureuse que d'office t'es obligé de te taper 15 meufs en même temps. Bah, teuf, non, ouais. Tous les deux jours ça marche aussi. C'est ça, ouais. Ouais, mais c'est ça. La déception, franchement, c'était tellement grave parce qu'elle elle partait coucher ailleurs. Elle venait me dire, chérie, je suis enceinte, tu peux m'aider à lever. Deux fois, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Deux fois. Je l'ai aidé à lever la grossesse tellement je l'aimais. Donc voilà, depuis ce jour, je me suis dit, bon, d'accord, ok. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une meuf qui t'a fait deux crasses qu'il faut faire des crasses à 15 meufs. Ah, bah, c'est clair, voire plus encore. Ouais, ben je comprends, mais bon, voilà, peut-être que ça va changer. Ah, mais tu comprends, voilà. Mais. Bon, ouais. Attends, Bamba, reste avec nous, parce que il y en a d'autres qui voulaient réagir aussi. Reste là deux secondes, Bamba, on va prendre Samy pour parler encore des vacances dans un instant. 15 meufs en même temps, alors ça, c'est improbable quand c'est même. C'est mon héros, je suis ouais, fier de tu toi. Parles, ouais. Bon, on va sur aussi le jeu du Janul les vacances dans un instant. 01 40 71 5000, 21h43, on est sur Énergie, passez une bonne soirée. C'est Mickaël, on est là tous les soirs pendant les vacances, entre 20h et minuit. Je veux que tu portes mon nom de famille. Mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Les chaînes comme Django, Django. Yeah. Ils veulent nous éloigner, donc ils sortent toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi, mais pas toi. Laisse-moi le calmer, il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir, il abuse de ses droits. Je veux bien bien être gentil, papa. Mais même toi, tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Je vais parler de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django, Django, Django. Qu'il faut que je fasse pour avoir dans son cœur une place. J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il me voit comme un bon à rien, mais dis-lui que je suis bon dans tout ce que je fais. Dans ma vie, je sais où je vais. Contre ses choix, je refuse, je m'impose. C'est toi mon choix et pas une autre. Laisse-le croire qu'on foncera droit dans un mur. Change pas d'avis de nous, je suis sûr. Dis à ta mère, je prendrai soin de toi avec ou sans son accord. L'affaire, je lâcherai pas, je compte pas t'abandonner. Sache que je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël sur NRJ. Allez, dans un instant, on va se faire un jeu bien drôle. Enfin, j'espère en tout cas. On va se faire le jeu du j'annule les vacances. On va annuler des vacances, en gros. Vous allez voir. Bougez pas, on fait ça après la pub. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Mickaël sur NRJ revient juste après ça. Alexa, je veux écouter NRJ. Je mets la radio qui joue tout, l'élite. Tous vos artistes préférés, gratuitement, sans abonnement, tout l'été. Énergie, disponible partout et sur toutes les enceintes connectées. Énergie, music only. Salut, c'est Aymeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram. Énergie présente. Maître Gims à la Dune Club. C'est Maître Gims et ma radio, c'est Énergie. Jeudi 26 juillet, la superstar Énergie Maître Gims sera en showcase. Toutes les infos, complexe-la-dune.com. La Dune Club, gros travers à la Grande Motte. Maître Gims à la Dune Club, un événement. Énergie, hit music only. On ne va pas les plaindre. Faut pas déconner. Ils sont là tout l'été. Ah non. Vraiment? Vraiment? Et alors? Bien fait pour eux. Mickaël, Polo et Amina. De 20h à minuit. Sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. Et Mickaël officiel. Et avant d'écouter le son de Jonas Blue dans un instant, eh bien nous allons faire le jeu du Janul. Le jeu du Janul, c'est avec Jérém qui est avec nous maintenant. Salut Jérém. Salut l'équipe. Comment ça va? Comment ça va? Ça va et moi? Ça va, mais on, désolé, dit on, désolé. On dit comment ça va, mais qui nous fait un vent là, un gros non, vent. Ça va, en forme. Bon, tant mieux. Alors, Jérém, on va jouer au jeu du j'annule pendant les vacances. Ben, en général, on annule les vacances. Après, évidemment, on va pas mettre sur le côté ceux qui partent pas en vacances, bien sûr. Donc, on peut aussi annuler autre chose. Alors, Jérém, on va annuler quoi, dis-moi. Alors, on va annuler un voyage à Majorque qui aura lieu dans 15 jours. Ah, très bien. Majorque, très bien, qui a lieu dans 15 jours. Et tu vas partir avec qui? Enfin, t'es censé partir avec qui? Alors, je pars avec ma femme, la copine de ma femme et ma meilleure amie. D'accord, deux couples quoi. Mm-hmm. Bizarre. Non, pas de couple. Non, pas de couple. Non, il y a un couple femmes, quoi. Et deux amis. Trois femmes, pardon. Ah, pardon. Ah, tu pars avec trois meufs, Jérém. Et toi, tu picores de temps en temps. Ouais. Ça va la vie, elle est belle, Jérém, non? Ça va, elle est belle, ouais. Ah, bah ouais, je confirme. Bon, bah t'as raison. C'est laquelle des trois le meilleur coup? Oh, n'importe quoi. Ah, t'as déjà couché avec les autres? Non, du tout, quand même. Quoi? Attends, on sait jamais, après tout, non, pourquoi pas? Du tout, c'est pas d'accord. Ça. Ok, ok, non mais je voulais savoir. Bon, Jérém, nous allons donc appeler donc Pauline, hein, ta copine. Tu vas lui annoncer que t'annules. Et donc, pourquoi t'annules? Alors, j'annule car je pars avec... Attends, on t'entend de nouveau plus, Jérém. T'as de nouveau mis le téléphone, je sais pas où, là. Là, ça va mieux, parfait. Et donc, je pars avec une autre amie qui est la marraine de mes autres enfants et en fait, elles ne s'entendent pas du tout, car enfin, elles ne s'entendent plus du tout, car il y a un an, cette fameuse amie avec qui je vais partir a annulé un voyage à Punta Cana. D'accord. Attends, annulation, quoi. Juste pour que je résume, donc tu vas annuler le voyage que t'as prévu avec avec ta femme Pauline, c'est ça? Non, c'est pas sa femme, c'est son amie, sa meilleure amie. Non mais attends, et toi tu... Attends, mais j'ai rien compris, alors recommence à zéro là, parce que j'ai rien compris. Attends, donc toi tu pars c'est avec trop qui? Trop compliqué, trop d'infos là. Ouais, bah là ça chauffe là, il y a déjà de la fumée qui sort. Donc tu pars avec qui là? Je comprends rien. Alors, je pars avec ma femme. Ouais. Une amie de ma femme. Note, Mickaël, note. Et ma meilleure amie. D'accord, donc il y a ta femme, l'ami de ta femme et ta meilleure amie à toi. Ok, très exactement. Bien. Exactement. Qui est Pauline? Pauline, c'est sa meilleure amie. D'accord, ok, bah voilà, il fallait juste me dire ça. Moi je pensais qu'il parlait qu'avec des copines. Donc Pauline, ta meilleure amie, donc tu vas l'appeler pour dire que t'annules le voyage. Oui, très exactement. Bien. Très bien, excusez-moi, mais bon, parfois il faut répéter quelques fois. Hein. Non, et ce qu'il expliquait, c'est qu'en en fait, il va justifier le fait qu'il veuille annuler parce que finalement, il a prévu de partir en vacances avec une autre amie qu'on a qu'à appeler Mireille pour les besoins de cette histoire. Et cette fameuse Anaïs. Mireille est en guerre avec Pauline parce qu'il y a quelques temps, Mireille a annulé des vacances à Punta Cana. D'accord. Donc la okay. Pauline, du coup, elle s'est déjà fait planter une ça fois. Ça va, j'ai compris. Oh là là, me prends pas pour un demeuré. Mais non, mais j'essaie d'aider. Très bien. Bon, bah, débrouillez-vous. Ok, oh là là. Donc du coup, t'es la meilleure amie. Moi? Bah, la Punta Cana, tout ça, Mireille. Bah, elle la connaît. Ah, bah elle oui, mais alors, on a aucun rôle à jouer là-dedans, ou Jérém? Il a dit c'est Anaïs. Bah, si, tu peux être le mec qui le ouais. pousse. Ouais ouais, bon on va essayer d'arranger. Ok, bon quoi qu'il en soit, il y a des chances qu'elle s'énerve. C'est le but hein, tu me diras hein. Ah mais elle va être curieuse. Elle parfait. Va être curieuse. Bon, et eh ben écoute, Jérém, alors parfait. Ce qu'on va faire, on va se mettre un son et on va réfléchir à tout. Comme ça pendant le son j'aurai à nouveau tout oublié. Je te repose des questions juste après. Parfait. D'accord. Ça roule, pas de problème. A tout de suite Jérém. À tout de suite. Bon, très bien. Allez, je vais essayer de pas t'oublier justement. Et puis on va se faire justement ce jeu du j'annule les vacances ce soir. Mais d'abord, on écoute le son de Jonas Blue maintenant sur Énergie. 01 40 71 5000. C'est Mickaël. On est là tous les soirs à partir de 20h pendant l'été. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, hate, hate, but we won't change anything at all. Oh, we gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They think we just dropped out, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. Bonne soirée sur Énergie, c'est Mickaël, 21h55, on est là jusqu'à minuit. Pendant les vacances. Pendant les vacances, les juilletistes et les aoûtiers se croisent. Bison Futé donne ses conseils à la con. Si, si. Ah, si, si. Si, si, parce que vous finirez tous dans les bouchons. On ne vous laisse pas tomber. Le seul conseil qu'on peut vous donner, écoutez-nous. Tous les soirs de 20h à minuit, Mickaël, Tof, Polo et Amina sont sur Énergie. Et oui, avec Aya Nakamura qui va arriver dans quelques minutes sur Énergie. Mais avant cela, c'est le jeu du Janul, les vacances, et nous allons récupérer Jérém. T'es toujours là, Jérém ? Je suis toujours là. Très bien, Jérém donc pour faire le jeu du j'annule les vacances, puisque bah, nous sommes en pleine vacances, et donc tu vas appeler ta grand-mère, c'est ça, afin de... Non. Ah non, merde, non, c'était n'importe quoi. J'ai cru, hein. Je me suis dit, là, il a pété un plomb, le gars. Non, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, c'est parce qu'il y a 5 minutes, il a expliqué l'histoire, j'ai rien compris, il a réexpliqué l'histoire, et ça allait plus ou moins. Donc, on va voir, petit test. Tu vas appeler Pauline, qui est ta meilleure amie. Ouais, non, Mireille. Non, mais commence pas à nous embrouiller. Attends, non, c'est vraiment Jérém. Ça. Ah bon, Pauline, ah, commence pas à m'embrouiller parce que sinon je vais effectivement tout foirer. Hein. Bon, tu vas appeler Pauline, ta meilleure amie, pour lui dire, parce que t'es censé partir à Mallorca avec elle, avec ta copine et avec une autre meuf. On s'en fout, je sais pas qui c'est, j'ai oublié, c'est pas grave. Ce qui est la marraine de ses mômes. Voilà, voilà. Et donc tu vas appeler donc Pauline pour lui dire que finalement t'as décidé d'annuler les vacances parce que t'as prévu de partir ailleurs avec. Anaïs, c'est ça ? Anaïs, quelle mémoire ! Cet homme est dingue. C'est un truc de ouf. Moi, je m'épate. Donc, avec Anaïs, qui, à l'époque, avait déjà annulé des vacances à Punta Cana, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Pauline ne peut plus la saquer. Exactement. Très bien. Voilà. Et bah parfait. Et bah du coup, je me suis trouvé un rôle puisque je serai tu vas partir avec un autre groupe d'amis, donc là Anaïs et moi, Michel, t'es le nouveau mec d'Anaïs. Ou le nouveau mec d'Anaïs, pourquoi pas, ouais. Et donc voilà, Mallorca, de toute façon, c'est de la merde, hein, c'est l'Espagne, c'est pourri, c'est ridicule de partir là-bas. Punta Cana, ça c'est le style, c'est les Caraïbes, etc. Bon bref. OK, on va s'arranger. Allez, Jérém, je te souhaite bonne chance. On y va, on l'appelle. Allez, bonne chance à toi, Jérém. Il y a des enceintes Bose à gagner, casque Bose ou l'écran LED. Et tant qu'à faire, vous pouvez très bien avoir invité Jérémy et sa meuf. Parce que comme la dernière fois, vous avez annulé et tout. Genre, c'est un cadeau, tu vois. Ouais. C'est bon, je vais réfléchir. Pour l'instant, personne. Allô. Ah. Allô. Ah, bah quand même. Allô. Oh là. Attends, c'est la journée du réseau, là. Il n'y a pas de réseau. Allô. Nous avons un problème de téléphone. Ouais. Allô. Ah oui, non, il n'y a pas de raison. Voilà, voilà. Allô. Ouais, c'est Jérémy, ça va? Oh là là, on va raccrocher. Ça va. T'emballe pas, je vais raccrocher au nez parce que là on comprenait que dalle. Alors on va essayer de la rappeler en espérant qu'il y a un meilleur réseau là, parce que là, la ligne n'est pas prête, pas parfait. Ok, on rappelle. Ok, là ça a l'air d'aller. On recommence comme si rien ne s'était passé. Allez hop. Clap 2. Allô. Ah ouais, salut, ça va? Ah ouais, ça va et toi? Ça va. Bon anniversaire. Oui, son anniversaire aussi. Ouais, merci beaucoup. Quel beau cadeau il va lui faire. J'ai plus de voile avec la coupe du monde. J'ai une boîte de voile. Non mais c'est pas grave. Dis-moi, s'il te plaît. Avec Caro, on était en train de chier pour les vacances dans 15 jours. Enfin, ça se rapproche rapidement, quoi. Ouais, j'ai trop hâte. Oui, enfin, bah oui, je vais voir. J'ai qu'un coup de partir, là. Ouais, Caro, t'as rien dit? De quoi elle m'a rien dit? Ben, non, elle m'a dit un peu. Oh là là. Voilà. Elle m'a dit que ça s'organisait et que. Enfin, que c'était bon qu'on avait eu la confirmation de la réservation et tout ça, quoi. D'accord. Ouais. Alors, par contre, je t'avouerai. Joue bien le con, là. C'est qui fait peur, là. Qui sait pas comment dire les choses. Je sais ce qui s'est passé il y a un an, quoi. Mais en fait, là. En fait, on ne peut pas partir avec toi, Pauline. On doit annuler les vacances. On doit annuler, quoi. On part, mais pas avec toi. Pas c'est horrible. Endroit, quoi. Tu te fous de ma gueule? La pauvre. Oh, je suis désolé. Non, moi, je je sais pas comment t'annoncer, je t'avoue, je suis... Non, mais tu te fous de ma gueule, donne-moi au moins des arguments. Donne-moi une bonne raison, là, je comprends pas, en fait. tu me fais une blague. C'est bon, tu lui as dit, c'est bon, on peut passer à autre chose. Ouais, on lui a dit, tiens, Anaïs, elle a Anaïs, ouais, tu veux plus entendre parler d'Anaïs, quoi. En fait, elle a son nouveau mec et il a super temps pour partir sur Punta Cana. Ouais, c'est bon, Anaïs, c'est bon, il a dégagé la greluche, on va pouvoir partir. Allez, hop là. Qu'est-ce qui parle là? C'est Michel, c'est le copain d'Anaïs. C'est Michel, non, mais c'est le copain d'Anaïs. Le greluche là, il était pour moi là. Mais non, t'inquiète pas, il déconne, tu sais, on a fait l'apéro en fait. Non, mais Jérémy, dis-moi que tu te fous de ma gueule là en fait. Bah oui, c'est l'apéro. Blague, Moi, je me fous pas de ta gueule, non. Au moment où on prend le dessert, mais bon, c'est pas grave. Je suis avec Anaïs, ouais, c'est Anaïs. Bon, c'est bon, et qu'est-ce qu'elle dit Il peut se taire là, ton pote derrière. Bon, moi, c'est bon, tout est bouqué là, c'est bon, on peut plus annuler, c'est mais parfait. Mais tu peux te taire toi en fait. T'es qui? Qu'est-ce qu'elle dit? Attends, mets-le au parleur, j'entends rien. Jérémy, c'est qui là? Ah, je m'appelle Michel. C'est Michel, c'est le copain d'Anaïs. Salut, hein. Tu peux pas le connaître par rapport Michel, à Michel, en plus de ça, vous foutez de ma gueule. Genre, elle serait avec un Michel. Bah, et pourquoi pas? Quel rapport? T'as un problème contre Michel? Quand elle était pécho, un mec de 50 ans ou quoi? De 50 ans? Non, mais pour qu'elle se prend la greluche? Ouais, non. Non, mais il va m'énerver, lui, en fait. Bah, attends, mais elle a un problème ou quoi, là? Je lui parle tranquillement, gentiment, elle m'agresse. Mais mec, de quoi tu te mêles, en fait? Mais pour qui tu te prends? Mais de quoi tu te mêles? T'es qui, toi, en fait? T'as mon meilleur pote qui m'appelle pour me dire qu'il annule les vacances, toi, tu débarques, tu me traites de greluche. Bah, évidemment qu'il annule, puisqu'il part avec nous. Il est entre Punta Cana et je sais pas quoi, ton île espagnole pourrie, là, y'a pas photo, hein. Non, mais je te connais même pas, mec, tu viens de où? Je viens de Dunkerque. Et après? Putain, je te faire prendre le téléphone, tu vas m'énerver, lui. Elle l'a rencontrée au carnaval. Elle l'a rencontrée au carnaval, mais qu'est-ce qu'elle a été chercher encore? Du coup, cette blague. Donc l'autre pute, là, elle a eu le voyage à Punta Cana, elle me fait que des coups de pute derrière, et toi, tu vas partir. Non, c'est une blague. Dis-moi bah attends, en même temps, il n'y a pas photo entre ton île Pourave et Punta Cana, si tu veux. Les Caraïbes ou l'eau dégueulasse, là, il n'y a pas photo. Hein. Alors, s'il n'est pas assez fut-fut pour comprendre ça, on peut rien pour elle. Je vais débarquer en fait, vous êtes où là? On est chez moi, pourquoi? Elle veut venir. T'habites où Michel? Bah comment ça j'habite où? Bah j'habite à Arras, pourquoi tu veux que j'habite? Bah dis-moi où t'habites exactement, je vais venir. Parce que là, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule royalement en fait. Bah on se fout pas de taille, attends. Allô? Ouais bon bah quoi, mais tu peux venir si tu veux, mais quoi, t'apportes un verre hein, parce que moi tu viens pas les mains vides hein. T'habites où? Mais t'inquiète pas, je vais venir avec une bouteille, mais ça va pas être pour la boire la bouteille. Ah bon? Ah pourquoi? Vous t'habites où, dis-moi? Bah t'as de quoi noter? Ouais j'ai de quoi noter, t'inquiète, je retiens. Bon alors c'est 17. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Alors, vas-y, accouche. R, U, E. Enfin non, mais attends, j'épelle, parce qu'il y en a plein parfois. J'épelle, il met des H, des trucs, après le GPS il comprend plus rien, donc. Mais attends, mais t'es le petit ami de l'autre conne là? Je sais pas qui est l'autre conne. Bah, ça dépend de qui tu parles, moi je sais pas de qui tu parles. L'autre là, Anaïs. Ah bah évidemment, ouais. Et son petit ami, mais j'y crois même pas. Bah je savais qu'elle était tombée bien bas, mais pas à ce point-là quoi. Oh, dis donc, ça va, t'as un mec toi? Non, j'ai pas de mec. Ah bah ça soit. Bah, alors là, je pouvais le dire direct, hein, avec le caractère de chien que t'as là. Elle te regarde pas de toute façon en fait. Genre Josiane, elle agresse le monde, tout ça, elle arrive, elle se la ramène, elle prend les gens de haut. Mec, de une, je te connais pas. De deux, il y a mon mère qui m'appelle pour annuler les vacances. Oui, bon, on va savoir maintenant. Bah, je sais bien qu'il annule les vacances, c'est moi qui lui dis de le faire. Mais j'ai fait quoi, moi? Bah, débarque-toi, j'en sais rien, moi. T'as qu'à va sur Tinder, trouver des mecs qui vont nous remporter avec toi. Mais t'es un malade, toi, en fait, hein? Bah, quoi? T'es un malade. Vas-y, bah. 17 rue quoi? Ah, oui, je sais plus où j'en étais. Ah, oui, 17 rue P-A-L-U-C-T-A-L. Pas ductal. Mais qui sait même plus. Tu sais même pas où t'habites en fait. Tu es en train de te foutre de ma gueule, t'as peur que je débarque ou quoi? Bah non, je viens de te donner l'adresse. Parce que je rigole pas en fait là. Bah moi non plus je rigole pas, moi j'y connais rien. Si j'y peux rien si tu connais pas les rues de ta ville. Hein. T'es qui pour me parler comme ça en fait? Je m'appelle Michel. Je connais pas. Je viens de Dunkerque. De où tu prends ma place comme ça pour des vacances que j'ai prévues? Ah bah attention, j'ai pas pris ta place. Parce que sinon ça veut dire que je partirais en Espagne là chez Sauvage. Moi je vais pas là-bas. Hein. Moi je vais direction Punta Cana, ça c'est la vie ça. C'est une blague. Ah bah non. Attends, parce que Jérémy, il vient pas de me dire ça là. Ah bon, bah écoute, pourtant. Jérémy, qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que ça Punta Cana compa, hein. Bah attends, si, j'ai dit Punta Cana. Ah bon, bah alors qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a Alzheimer ou quoi? Mais arrête, Pauline, je t'ai dit Punta Cana. Ah, c'est bon, parce quoi. Qu'elle tire la gueule en fait, elle est vénère. C'est parce qu'elle peut pas partir, non, elle va se retrouver à... Vous étiez parti à Majorque. Ah bah ça va être bien Majorque. J'ai pété les plombs. Vous annulez les vacances? Non, c'est une blague. Et vous partez ensemble avec l'autre con là, l'autre con, on sait même pas qui c'est. Bah, et vous partez écoute, à Punta Cana. Voilà. Ça fait 4 mois qu'on les connaît, franchement. Non, mais je rigole pas là en fait. Non, je rigole pas avec moi là en fait. Bah tu vois que c'est lourdo. Non, je rigole pas, mais ferme-la toi aussi. Parce qu'il y a un an. C'est lourde, c'est lourde. Vas-y, je reviens à la. Il y a un an, vous devez venir avec moi à Punta Cana, et l'autre, elle me met un plan, et là, vous partez à 4. C'est quoi le projet? Bah, c'est parce qu'on va là-bas pour. On va farniente, quoi, tu vois, Punta Cana, la vie, voilà. Jérémy, dis-moi pourquoi je peux pas venir, en fait, je comprends pas. Pourquoi elle bah, parce que t'es chiante, là, maintenant, en fait. Bah, parce que tu t'entends plus les canailles, quoi, donc voilà, c'est. Mais en fait, c'est la meilleure fois. Fait la dernière minute. Voilà, nous, on voulait pas quelqu'un qui nous tire vers le bas, tu vois. Qui fait, vous flingue les vacances. Non, je suis ta meilleure pote, tu me demandes d'être parraine de ton fils. Mais ça n'a rien à voir, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça n'a rien à voir. Alors là, complètement hors sujet. T'es toujours marraine. Bah bien sûr qu'elle est toujours marraine. Mais gros, écoute-moi bien, mes meilleures potes, tu ne prends pas des plans comme ça en fait. Et tu me demandes pas d'être la marraine de ton fils pour me faire des plans. Oh là là. Tout de suite les grands mots. Mais moi, les coups de pute, en fait, ça passe pas en amitié, tu vois ce que je veux dire? Oh là là. Michel, je ne suis même pas quitté. Je m'appelle Michel, je viens de Dunkerque. Mais je m'en bats les couilles, en fait. Mais non, quelle politesse, oh, dis donc, venant de la bouche d'une femme, c'est. C'est toi qui dis ça, depuis tard, c'est vu comment tu me parles? Jérémy, elle fait du chantage affectif, là, elle est dégueulasse, cette meuf, c'est un gerbé, hein. Je pense que je vais être malade, d'ailleurs. Putain, Jérémy, je te connais trop, c'est une blague, c'est pas possible. Vraiment, hein. Et en plus, Michel, tu viens de Dunkerque, là. J'étais à Arras. Bah oui, mais j'ai déménagé, je viens de Dakar parce que je suis né là-bas. Jérémy, vous êtes où? Oh là là. On est 17 rue Paluctal. On est à Arras. Je connais pas, ça c'est pas Arras. Ouais, bah c'est parce que tu connais pas Arras, j'y peux rien moi. Et on est chez Michel avec Anaïs. Voilà. Anaïs, va arriver. Mais c'est qui ce mec, putain? Je m'appelle Michel, je viens de Dakar. Mais ferme ta gueule, toi en fait. Ferme ta gueule. Putain, Jérémy, vraiment, dis-moi que c'est une blague. Pauline, je viens pas au baptême. Tu posais. Oh bah bravo. Alors là, en plus d'être mauvaise, elle est un peu con. Hein. Putain, tout pour elle, cette sauvage. Hein. Alors là, Michel, elle va... Je vais te péter la gueule en fait, toi. Bon, enfin, tu vas pas le faire. Non, mais je rigole. Il se fout de ma gueule. Bah, tu vas pas le faire, Pauline, je te le dis direct. Hein. Jérémy, dis-moi où il habite. Bah, 17 rue Paluctal. Il dit rien, Pauline, c'est bon quoi. Putain, tu veux pas te t'embrouilles. Mais comment ça, en plus, c'est une racaille. Comment ça, rien. Tu me mets d'où c'est une racaille, mais je vais le encastrer, ce mec. Jérémy, d'où tu me dis ne dis rien alors. Qu'est-ce que tu vas faire de... Tu vas me descendre, c'est ça? Putain, je vais niquer. Hein? Je vais niquer. Tu vas faire quoi? Ça, c'est une blague. Bah évidemment que c'est une blague, Pauline. T'es en direct à la radio sur NRJ. La pauvre. Putain, bande de cons. Bonjour Pauline, je suis le connard enculé. Enfin bon bref, tous les. Non, je m'appelle Mickaël. C'est tout ce qui t'inquiète, toi. Ouais, la plus grosse solution, c'est ça. Ah oui, par pitié, qu'il s'appelle pas Michel. Non, c'est bon, tout va bien. Bon anniversaire, Pauline. Oui, et bon anniversaire. Mais là, c'est un très beau cadeau pour mon anniversaire. Là. Mais oui, attends, musique. Amina, s'il te plaît. Non. 3, chanson. On l'a mané, mais je. Voilà, et bon anniversaire. Tu pourrais la chanter sur Pôle emploi, ça va être super. Ah, ben voilà. C'est quoi ça? Bah, c'est la musique d'anniversaire chantée par Amina. Non, pas du tout, non. Chantée par vos potes si vous voulez, mais non, pas par moi. Voilà. Énergie, Pauline. Bon, et bah bienvenue, non, Pauline. Hein. Faire des trucs comme ça. Eh bah oui, bon, mais c'est scandaleux. Hein, c'est scandaleux. Vous connaissez même pas cette rue, mais vous allez vraiment débarquer. Hein. Ah oui, 17 rue Paluctal, et effectivement, bien vu, ça n'existe pas. Bah oui. Non, ça n'existe pas. Non, pour le coup, ça n'existe pas. Alors. Bon, non, du coup, qu'est-ce qu'on fait, Jérémy, le cadeau, il est pour Pauline ou tu le gardes? Je le garde, hein. Pauline lui paierait un coup. Génial. C'est son anniversaire en plus. Sympa. Ouais, et puis Pauline doit venir à la maison. Donc je sais pas si elle était partie dans le même délire. Ah bah ouais, bah je te confirme. Faire un coup à la maison. Et bah tu peux annuler. Bon, du coup le cadeau il est pour qui alors? Bah, il est pour c'est moi. C'est quoi le cadeau? Ah bah très bien. Bah alors, il y a des enceintes Bose Soundlink Color 2 Mini, les casques Bose ou un écran LED. Une télé quoi? Ah bah un écran LED, un écran LED. Bah très bien. Ça tombe bon. Bien, et moi il me semblait que c'était l'anniversaire de Pauline, mais bon, c'est pas et grave. Et en plus, hein. Bah le cadeau de Pauline, c'est la marraine du petit. Ah oh, bah oui, quel beau cadeau. Exactement. Il y a pas plus joli cadeau. Fait... Non mais vous m'avez fait tout ça pour me dire que j'ai pas de cadeau. Ah, en plus. Ah mais ça bah tu voilà. Gères avec Jérémy hein. Bon vous, allez, vous, vous gérez ça, je vous la repasse, je vous repasse Amina, d'accord? Ça marche. Salut à vous, gros bisous les amis, ciao à vous. Salut, ciao. Bon allez, si vous avez aussi envie de jouer, bah pas à ce jeu-là, on vient de le faire, mais demain au jeu du, on a toujours pas trouvé de nom d'ailleurs, hein, on va réfléchir à un nom pour si vous voulez faire semblant de piéger votre copain ou de votre copain, enfin faire semblant de tromper votre copain ou votre copine, vous lui demandez autorisation. On l'a déjà fait un jeu à peu près similaire l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus. Donc si vous voulez jouer avec nous, vous rendez dingue votre copain ou votre copine. Si vous êtes, si vous sortez avec un jaloux ou une grosse jalouse, eh bien appelez-nous. Je pense qu'on va se marrer. On fait ça demain soir. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, c'est possible. 01 40 71 5000. Il est 22h11. On est sur Énergie. 20h minuit, pardon. Et on écoute le son d'Aya Nakamura. Passez une bonne soirée et bel été, tout le monde. Elle a pas pimé que bazar. J'entends des bails à trop son main. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu je suis le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. Tu pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, tu pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. On est sur Énergie, 22h13, bougez pas de là. On va se mettre la pub rapidos, on va revenir juste après avec les appels bienveillants, avec Samy et Virginie pour parler des vacances, avec Alessandro qui a 4 meufs, il sait pas comment gérer, Anthony qui voulait réagir et Bamba également, bougez pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Mickaël sur Énergie revient juste après ça. Hey, it's Martin Garrix. C'est David Guetta. This is Tiësto. C'est Martin Solveig. C'est Kungs. C'est Bob Sinclair. Ils ont tous été récompensés. À vous maintenant de désigner les vainqueurs des Energy DJ Awards 2018. Votez tout l'été sur energy.fr. Et le 7 novembre, dans le cadre du mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. The award goes to... Salut, c'est Emeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs. Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram. Elle est où Amina? Elle fait la teuf. Ils sont en vacances. Un peu comme toute l'année. Ils sont sur Énergie de 20h à minuit. Tout l'été. Du lundi au vendredi. Et on est de retour avec Shawn Mendes dans un instant, avec David Guetta ou encore Que Black. Et puis du coup, on va continuer à parler vacances avec Virginie. On t'a récupéré Virginie? Oui, je suis nouveau là, je suis désolée. Bon. Nickel, c'est pas grave, ça arrive. Alors, Virginie, donc tu nous appelais pour parler des vacances. On vous demandait si, je sais pas, si vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent, par exemple, pour des vacances. Est-ce que vous avez, avec regret ou sans? Et du coup, Virginie, est-ce que t'as eu des regrets? T'es partie où? Dis-moi tout. Le tarif. Ah, surtout le niveau tarif, ça m'a coûté un peu plus de 7000 euros quand même. Mmh. Ah confondu. Oui, quand même. Quand même, mais après ça valait le détour. J'ai rejoint ma sœur qui a suivi son mari en Guyane. Donc pendant 2 mois, j'ai laissé mon homme à la maison. J'ai pris mon gamin de 4 ans et puis j'ai pris ma mère et on est allé rejoindre ma sœur là-bas en Guyane. Donc c'était vraiment nickel. Ah ouais, sans le mari en plus, c'était des vraies vacances. Hein. Oui, sans le mari en plus. Alors je te dis pas, c'était vraiment énorme. C'était énorme. Alors du coup, il fallait payer le billet d'avion d'Alsace à Paris, de Paris à Cayenne. Ça nous a tenu quand même un peu plus d'une journée, quoi. Ça a été vraiment très dur pour le petit, hein. Mais bon, on s'est fait péter des billets de première classe, hein, pour le long trajet quand même, hein, pour le gamin. Ah quand même. Ah bah on se retrouve. Ah oui, mais non mais alors, c'est plaisir. Non mais alors voilà, on a l'explication. Pourquoi ça coûte si cher, je veux dire. Voilà, parce que le billet, c'est pas non plus 500 euros, hein, long trajet. Ah, bah, surtout pas en business. Bah oui, c'est sûr, hein, mais il fallait la place. C'est une fortune en plus. C'est clair, c'est clair. Ah, et oui. Alors, du coup, regret ou pas regret? Écoute, non, pas du tout. C'est un pays complètement rien à voir de ce qu'on a l'habitude de voir. Partir en vacances à Majorque ou quoi, je suis déjà allée à Punta Cana plusieurs fois. Ça ressemble à peu près, mais c'est un peu plus sale que les sites touristiques. Ça n'a rien. C'est authentique, quoi. Ouais. Oui, vraiment, c'est ça. C'est touristique authentique. C'est vrai. Il n'y a pas de touristes. C'est vraiment la vie là-bas, la vraie vie, la dure. Hein, vraiment, comment on dit ça? Tu sais, les petites cabanes, les gens n'ont pas vraiment de maison à part les beaux quartiers pour les militaires. Ah, les cases. Voilà. Mais n'oublie pas que la Guyane, à l'époque, tout ce qu'il y avait là-bas, c'était un bagne. Hein. Mais c'est vrai, ils envoyaient les bagnards là-bas. Hein. C'était tellement dangereux et tout que les mecs ne pouvaient même pas sauver. Hein? Parce que c'était reculé surtout. Bah, c'est à côté du Brésil. Oui, c'est à côté du Brésil, oui, tout à fait. Et c'est là qu'il lance ses fusées. Exactement. Tout à fait. C'est vrai. Et ils t'offrent pas de référence culturelle. Toi, quand c'est pour dire beach chat, là, t'es là. Mais ah bah non, là, j'ai pas sur. Salaud, va. Il n'y a plus personne là. À part le poivre, mais c'est tout quoi. Oh là là là là. Ou la Porsche. Ou la Porsche, mais je crois qu'elle vient pas de là par contre. Étonnant. Moi, je pense pas, non. Étonnant. Bon, bah du coup, t'as pas de regrets, donc j'ai envie de te dire tant mieux hein, dans un sens. Non, et quoi, franchement, c'était vraiment sympa. Il y a pas de la mer. Il y a la mer, bien sûr, mais je veux dire, elle est pas vert turquoise bleu. Elle est pas propre. Les plages sont sales, donc on n'a pas vraiment profité de la mer. On a plus profité donc de la famille, de la grosse maison qu'ils ont eue avec les filles. Si vous n'avez pas profité de la mer, vous avez fait profiter du père C'est drôle. Non, on a profité de la famille. On a profité de visiter le coin. On a fait des randonnées. Tu vois, on a quand même bougé. On est allé voir le centre spatial de Kourou. On a fait quelques trucs quand même. Hein. On a quand même bougé. On a fait énormément de choses. Il y a des zoos aussi là-bas. On a vu d'autres animaux. Ma sœur, elle habitait à côté d'une forêt. Donc du coup, les iguanes qui venaient chez nous, c'est franchement atypique. Hein. C'était vraiment chouette. Mon gamin s'est éclaté, hein. Vraiment. Hein. C'était très sympa. C'était 2 mois vraiment complètement différents, rien à voir de ce qu'on connaît. Habituellement, des vacances, quand on paye un hôtel, que tu payes le trajet, que tu es vraiment servi sur un plateau et tout ça, là, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment différent. Bon, bah écoute, et prochain voyage prévu? Si tu en as un, du coup. Pour l'année prochaine seulement. L'année prochaine, durant l'hiver, je pense qu'on va retourner à Punta Cana. Ce sera sympa, quand même. Hein, de pouvoir finir dans la mer. C'est très cool. Ah bah, comme dans le cellulaire qu'on vient de faire, tiens, c'est parfait. Bon, bah, nickel, Virginie. écoute, je te fais des gros bisous et puis merci d'avoir appelé. C'est cool, moi aussi. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut, Virginie. Ciao. On va récupérer Alessandro là, qui a plusieurs meufs et il sait plus comment faire. Il a 4 meufs et il sait pas. Il est perdu, justement. Et donc, on avait Bamba qui est avec nous. T'es toujours là, Bamba? Ah bah oui, il y a ces meufs qui appellent Bamba. Ah bah oui. Attends, on va le rappeler. Oui, je t'ai entendu sur NRJ, qu'est-ce que tu racontes? Attends, on va le rappeler. Attends. Alessandro, bouge pas. Hein. Sacré Bamba, quand même. Ouais, je bouge pas. Très bien. Donc, il nous a mis en attente. Et là, on peut... Oui, allô? Allô, Bamba? Oui. Ça te dérange pas de nous mettre en attente de l'autre côté, là? Oui. Non. Hein? D'accord. Okay. Bah oui, d'accord. Bon, attends, du coup, je te raccroche sur la première ligne et je te garde sur la seconde. Oh, je te jure, le mec est incroyable, quand même, il est stylé. Sur le répondeur de Bamba tout à l'heure qui avait coupé. Ça vaut le détour. Hein. Pourquoi? Bah, ça en dit long quand on connaît sa situation et ses 15 copines. Essaye d'appeler, tu vas voir si tu l'appelles en même temps. Mais non, mais ça va sonner là, parce qu'on vient de l'essayer. Parce qu'il a ton téléphone avec lui là. Attends, j'essaye. Attends. À mon avis, il y a le double appel. Refuse l'appel, Bamba. Attends, Alessandro, Bamba, décroche pas. Hein. Ouais, j'attends. D'accord, ok. Ou refuse l'appel au pire. Bien. Pourquoi il y a quoi sur le répondeur? Tu vas voir. En tant que bon polygame qui se respecte, c'est très cohérent, tu vas voir. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. Veuillez réessayer. Ah ouais, mais bon, en plus, c'est toutes tes meufs qui doivent, à mon avis, gueuler parce que tu donnes pas de nouvelles. C'est ça. Ouais, effectivement. Bon, Bamba, justement, Alessandro est là et avant que son téléphone ne coupe, puisqu'il a plus de batterie, t'avais un conseil de lui filer, là, Alessandro? Allô? Oh putain. Bamba! Oui. Bon, t'avais un conseil à filer à Alessandro ou pas? Il est en bas de la tête, il appelle les. Ouais, je peux lui dire qu'il continue comme ça, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Ouais, surtout ne change rien, je crois que c'est le meilleur conseil. L'autre, il veut s'en sortir et s'échapper, peut-être en garder une, et l'autre, il continue comme ça. Bon, attends, il y a Anthony qui est avec nous à Pau. Bonsoir, Anthony. Comment ça va? Mon cousin. Ouais, ça va, nickel. C'est mon zinc. Comment ça, c'est ton cousin? Ah, c'est ton cousin? C'est mon cousin. Ah, putain, il n'y a plus que ça. Anthony, t'es le cousin d'Alessandro? Pas du tout. Ah. Ah bon, donc Alessandro, tu racontes n'importe quoi. Bon, Alessandro, moi j'ai appelé juste pour lui donner un conseil. Vas-y Anthony. Au pire, ils font une soirée avec Bamba et ils choisissent. Ah ouais, bah, ouais, c'est ouais. Pas, ouais, mais non, mais attends, mais. C'est un dating, un harem tant qu'on y est. C'est ça, ouais, c'est voilà, pas un vrai conseil. Amina, t'as déjà eu combien de mecs en même temps, toi? Bah, un seul, c'est déjà pas mal. Non, mais tu m'as dit que tu avais déjà trompé ton mec. Non, mais arrête avec cette histoire. J'ai fait un bisou à un gars et le lendemain, j'ai dégagé mon mec. Ouais, donc ça veut dire que je sais, c'est pas trompé alors. Alessandro, pardon, tais-toi Alessandra. Parce que avec ta vie là. Amina pète un câble. Attends, Alessandro. Non mais attends, tu peux rien dire. J'ai fait un bisou à un gars à 20h, le lendemain à 7h du matin, j'avais réglé mon contentieux avec le précédent. Ça n'a rien à voir. Oui. Mais oui, c'est ça, oui. Mais par contre, effectivement, je sortis pendant quasiment un an et demi. Je sortis pendant un an et demi parce que tu comprends, voilà. Vie difficile par là. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, Mina, là? Hey, tu peux parler, toi, à la surprise au gâteau. Non, mais attends, mais tu passes ton temps à ça. Non, mais je sais. Je sortis. Mais vous. Il vous avait pris des trucs ou mais non, c'est illégal. Mais non, parce qu'on parle beaucoup avec Emina. Ah, voilà, oui. C'est ça. Il y a un moment donné, c'est la machine bug. C'est ouais, logique. C'est ça, ouais. Mais non, mais parce bon, que bref. Je suis sur un an et demi avec un mec. Tu sortis. J'ai sorti et lui sorti pendant 2 ans avec autre fille. Et d'accord. Du coup, moi faire ce scandale. C'est très très méchant. Ah oui, pas gentil. Très hein. Moi casser tout mal, la mal, maison, tout le maison cassé après. Ah oui, bah oui, forcément. Voilà. Amina énervée. Bah, Amina voilà. Est très très énervée. Ouais. Très énervée. Très bien. Bon, eh bien Anthony, merci pour ce magnifique conseil. Ouais, nickel. Tu rappelles quand tu vas Anthony, hein, t'hésites pas surtout. Salut, à bientôt Anthony. Bon bah, merci beaucoup également. Hein. Et puis, sors couvert. Hein. Ah ouais, surtout. Ok, ça marche. Bon, ouais, salut à toi, Bamba. Et Alessandro, bah écoute, qu'est-ce que je te dise, moi je te dirais de dégager les quatre et de repartir proprement, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais après, ouais, au-delà de ça. Ouais, bah en tout cas, essaie de choisir des meufs qui sont pas trop folles parce que tu vas finir avec un appartement brûlé ou un des problèmes. Ouais. Hein. Ça te prend au nez, je t'annonce. Elles sont pas folles, je suis plus fou que je crois. Fou que. D'accord, ok. Bon, très bien. Eh bien, écoute, bonne soirée, Alessandro, là. Et puis, bon resto avec ta meuf. Hein. Elle doit être contente que tu aies passé au téléphone. Merci. Bah, je suis parti déjà. Ah, d'accord, ok, très bien. Salut. Je suis parti à m'énerver et je lui dis ciao. Bah oui, t'en as trois autres. Voilà, comme ça, il y en a une de moins. Voilà, très bien. Bon, salut, Alessandro. Allez, salut, bonne soirée, merci. Allez, avec plaisir. Bon, on va se faire Shawn Mendes juste après les appels bienveillants. Et il y a Daniel qui voulait parler à Toff. Très bien. Et bon, on va faire ça après Shawn Mendes. Ouais, parfait. Tranquille. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel. tout le monde, bienvenue si vous venez d'arriver, c'est Mickaël, on est là tous les soirs en direct, 01 40 71 5000, on se fait les appels bienveillants là. Mickaël, Toff, Polo et Amina ne prennent pas de vacances. Pour toi c'est une chance. Tu comprends? Yes. Pas de vacances. Pas de vacances. Donc, ils sont à la radio. Ah, enfin t'as compris. Tous les soirs, ils sont avec vous de 20h à minuit. Sur Énergie, Twitter, Facebook et Instagram. Et Mickaël officiel. Voilà. Et donc, moralité, si vous voulez participer à l'émission, bah vous nous appelez. 01 40 71 5000. Il y a un message qui est arrivé. Salut l'équipe. Moi, je pars samedi pendant 15 jours à Costa da Caparica, côté Lisbonne, au Portugal. Tu connais Mickaël? Bah, évidemment. Bam, Lisbonne. Force à vous, Pirates du 71. Bah oui, on a été là-bas l'année dernière. J'avais été un week-end de rejoindre mes parents. Et qui débarque? Amina. Non, mais Georges débarque chez tes parents. Arrête d'inventer. Mais ça, c'est parce que tu. Bah attends, mais mes parents étaient là, j'étais les rejoindre. Oui, non, mais d'accord, mais je vous ai pas suivi. Tu peux passer pour une psychopathe. Si, si, si, tu l'as suivi. Mais bien sûr, tu m'as suivi. Attends, ça va. Je t'ai dit que j'allais à Lisbonne. Dit, boum, je te vois arriver. Mais c'est un taré, le gars. Je lui dis, attends, c'est marrant, ce week-end, je pars dans ton pays. Et mais là, oui, c'est ça. Comme par hasard, moi aussi. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ouais. Ça comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Hein. Le hasard comme par hasard. Mais c'est bon. Sûr, oui. Personne part au Portugal l'été. Il n'y a que Mickaël qui a le droit d'y aller. Mais c'est pas vrai, mais t'as fait exprès. Il fut un temps, il y avait que les Portugais qui étaient là-bas. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, avant de faire les appels bienveillants, il y a Daniel qui est avec nous maintenant à Fiorac en Périgord, dans le 24. Salut Daniel. En Périgord, dans le 24. Oh. Pardon. Daniel. Ouais, c'est moi. Oui, bah je me doute bien. Ouais. Salut Daniel. Qu'est-ce qui se passe? Coupe ta radio, s'il te plaît. Ah. Ah. Ça va, bon, fallait. Ah. Ça va, ah bah, ça a l'air d'aller mieux, ouais. Bon, vas-y, raconte, qu'est-ce qui se passe? Non, je veux te dire, je suis routier. Et ça arrive même au meilleur. Le souci des radios, le souci des radios, c'est que vous parlez trop, quoi. Vous parlez trop, il y a trop de pubs, il n'y a pas de musique. Mais comment ça? C'est comme si on... Le problème des routiers, c'est que vous êtes trop long. C'est, vous roulez trop. Vous roulez trop, vous avez des camions trop longs et vous transportez trop de marchandises. Bah, non mais... Daniel, quel est ton problème avec le fait qu'on... Bon, la pub, on peut rien faire. Hein. C'est comme ça, la pub paye tout ce qui fait que la radio existe. Donc, on peut pas en faire moins. De quoi? T'as pas la télé quand tu roules. Donc, la radio, le souci, les radios, le souci, c'est qu'à l'époque... Moi, ça fait 31 ans que je roule. Le souci, à l'époque, on mettait une radio et on parlait pas, il n'y avait pas de puce, ça n'existait pas. Ah non, bah là, tu te trompes, mec. C'est-à-dire qu'à l'époque, on parlait encore plus qu'aujourd'hui. Hein. Et les mecs parlaient sur les disques. Oui. Il parlait pendant les disques, avant, après, il faisait des commentaires sur les disques. Ouais, bon, ça c'est parce que c'était mauvais, ça. Non, non, c'était comme ça. C'était, ah, c'était l'époque. C'était l'époque qui voulait mais, ça. Mais quel est ton problème avec le fait qu'on parle trop? C'est-à-ire que là, c'est une émission de libre antenne, ouais. Donc c'est tout le principe. Et Bouvard parlait non-stop. Hein. Ouais. Ou pas, attends, maintenant tu parles trop, t'as une grande gueule, tu parles trop, quoi. C'est tout, quoi. Mais, Daniel, Daniel, juste. Moi, après, c'est un pote à Amina, je comprends pourquoi. Ouais, non, à mon avis, ça va être Toto Lyon, ça va être le père. Pas. Mais, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas ce qu'on fait et si tu n'as pas envie d'entendre parler le soir, c'est ton droit. Pourquoi t'écoutes pas une autre radio ou t'écoutes pas de la musique. Suivant les régions, tu traverses. Malheureusement, on n'a pas le capable de toutes les radios, quoi. Bon, à la base, c'est constamment sur l'Ostalgie. Maintenant, l'Ostalgie, on le casse pas partout, quoi. La seule qu'on casse, c'est l'énergie, mais... Excuse-nous, hein. Désolé, on va enlever les émetteurs. Pardon d'avoir du matériel. Comme t'as fait tout à l'heure, on avait déjà 10 heures pour raconter les conneries que l'autre est plus chaud et compagnie, des conneries de merde, là. Mais, ben, Daniel... Daniel, tu sais, à mon avis, tu dois être le genre de mec ou si Daniel, c'est-à-dire que si on mettait de la musique, tu nous appellerais, Daniel, pour dire, ouais, vous ne parlez pas assez, il y a trop de musique. Vous nous laissez pas parler. Voilà, c'est ça. Et là, on parle tellement trop que tu nous laisses pas parler. Non, mais vas-y, parle. C'est trop tard, j'ai dit ce que j'avais à dire. T'es sérieux, mec? Il est en train de te parler, tu lui coupes la parole, et quand il te laisse parler, tu dis vas-y, parle. Mais t'as un abruti de routier, quoi. Arrête. Mais si. Arrête, on essaye de partir, de discuter avec Daniel. T'es bon juste à transporter de la merde, là. On essaye de discuter de manière pacifique. Mec, on est là tous les soirs pour vous amuser, pour rigoler. Non, il a dit l'autre avec la grande gueule, là. Il parle trop. Oui, c'est vrai. Bon, et donc Daniel, écoute, de toute façon, je ne vais pas juste pour te faire plaisir mettre plus de musique. Voilà, c'est comme ça. Si on est là, c'est qu'il y a des auteurs qui nous écoutent et que bah, forcément il y en a qui aiment bien. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non, les radios à la base. On va raconter n'importe quoi. Ah bah ça oui, ça par contre, il y a pas tant, on raconte n'importe mais quoi. Mais tu sais oui, mec, mais il y a oui. des milliers de radios. Donc chacun fait ce qu'il a à faire. Écoute-moi. Chacun son métier. Écoute-moi, physiquement. Tu te connais pas. Tu veux passer c'est à qui toi? Le mec sur la 8 là, sur la 8 là. Le mes couilles là, comment il s'appelle le connard. Le barbu de mes couilles là, sur la 8 qui il bouffe, il se permet de terminer la chaîne à 9h30 quand le film commence là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas jouer à pas la télé à 9h30. Ah, tu parles sur tu parles de la télé, mais oui, mais alors. On paye la redevance. Pour moi, des mais tu payes pas la redevance pour la 8, tu payes la redevance pour France Télévisions et pour la radio. La 2, la 3, la 4, et même la 4. Et pour Radio France. Et pour Radio France, voilà. Bon, bref. Tu parles moins, tu mets plus de musique. Non. Mais en fait, on fait ce qu'on veut, Daniel. On est payé pour parler, on va parler. Voilà. Mais sinon, regarde sur ta radio, il y a un petit bouton avec. Non, parce qu'après, il va râler parce qu'il capte pas les autres radios. Et ben, tu sais ce que tu fais? Tu décroches ta remorque et tu jettes ta remorque dans le fusée. Bah, fais donc ça, Daniel. Est-ce que Jackie peut appeler? Je demande l'aide de Jackie. Ça marche là pour vrai. Ou tout au Lyon. Non, je préfère Jackie, il va lui expliquer. Bref, c'est Daniel. Daniel, je suis désolé que l'émission ne te. Oh là là. Daniel, je suis désolé que l'émission ne te plaise pas. Malheureusement, c'est comme ça. On ne la changera pas juste pour faire plaisir. Et puis, bah voilà, soit tu écoutes et t'essayes d'apprendre à aimer, et puis voilà, on va se marrer. Soit t'aimes pas, et puis tant pis. Écoute-moi bien, pour faire plaisir, si t'as compris mon message, je raccroche avec toi. Et tu veux Maître Grims, par exemple. Maître Grims, eh ben, très bien, je vais mettre Maître Grims. C'est quoi, c'est la Grimbière, c'est ça? C'est Maître Canter et Grim, et Grimbergen. Ils se sont associés, ils font un nouveau mélange. Maître Grims. C'est une bière un peu fruitée, voilà. Un peu allée. Daniel, pardon, hein, mais bon. Daniel, cela dit, je préfère te préciser, ce n'est pas pour te faire plaisir, mais effectivement, Maître Grims passera dans à peu près 20 minutes. C'est oui. Le Grims. Ah, quand même. Voilà. C'est dommage. Tu seras au lit. Ah bah tu vois, t'es jamais content, mec, on n'est pas. Hey, tu sais que ce que tu nous demandes, en fait, ce que tu nous demandes, c'est juste d'écouter Maître Grims quand tu l'as décidé. Donc en fait, mets-le sur ton téléphone. Oui, c'est et ça. Plus sur Play, en fait, ce sera plus pratique. Ah ouais, très bonne idée. En fait, Paris, franchement, vous êtes des bastringues, quoi. Oui. Parle pas comme ça de Paris, je veux bien que tu dises qu'on Daniel, est en radio, mais tu parles pas de Paris comme ça, c'est grâce à Paris Daniel, que tu vis, mec. Attends, Paris capitale de France. Vous fatiguez aussi bien l'autre qui est au standard que l'autre produit devant moi, là, avec son Paris. Là. Il est pas dans ta province pourrie, il est à Paris. Vous m'avez fatigué. Bon, et ben voilà, et ben il a gagné, Daniel, on va mettre de la musique. Et ben bravo, Daniel. Et ben voilà, on va mettre de la musique, on met Maître Grims et David Guetta. Rien à foutre. Figure it out. You can do that. bienvenue sur Énergie. Mickaël et toute la team ne feront pas grève cet été. Ils ne poseront pas de RTT. Ils n'auront pas de repos. Ils sont à la radio. De 20h à minuit. Sur Énergie. Allez, appel bienveillant maintenant, histoire de faire plaisir à notre ami Daniel, hein, qu'on vient d'avoir au téléphone à l'instant. Ah bah, là. Je suis sûr qu'il va aimer. Ah bah, il va adorer, hein, il va adorer. Bon. Selon l'étude américaine, un rapport sexuel apporte jusqu'à 48 heures de bonheur. Ah, bah c'est important de le préciser. Ça fait un moment pour Daniel alors. Ah oui, là je te confirme. Ouais. Ah, il fera bien de tirer un coup. Donc pour être heureux, faites l'amour tous les deux jours. Je ne sais pas, l'histoire ne dit pas si effectivement on ne fait pas l'amour tous les deux jours, on est moins heureux, 4 jours moins heureux, 6 jours moins heureux et ainsi de suite, car effectivement on pourrait s'inquiéter pour Daniel. Mais du coup, tu vas prévenir tes amis, Tof, de cette information importante. Bah, évidemment. Bon, allez hop, on y va, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu peux rappeler Daniel à l'occasion. J'y vais. Je vais y penser. Garde son numéro. Je vais y penser. Sûrement ça. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez fait l'amour dans les dernières 48 heures? Ah. Et ça vous regarde en quoi? Bah, c'est juste pour savoir, monsieur. Non. C'est-à-dire, non, vous n'avez pas fait l'amour dans les dernières 48 heures? Non. Ah oui, c'est pas bien ça, monsieur. Parce qu'en fait, ouais. le fait de faire l'amour, le fait de faire l'amour, ça procure 48 heures de bonheur. Et donc, du coup, en fait, si vous faites l'amour toutes les 48 heures, bah, vous êtes plus heureux. Du coup, ouais, vous devriez faire l'amour plus souvent. Je suis pas très bien. Je suis pas très heureux en ce moment. Bah oui, bah je l'entends bien à votre voix, hein, monsieur. Mm. Bon, bah, vous allez faire l'amour. La branlette, ça compte. Bah oui, mais ça marche moins bien. Ah. Oui, c'est mieux. 48 minutes de bonheur là. Bah ouais, c'est plutôt ça. Ok. Bon, allez, vous ferez l'amour, monsieur. Ça vous fera du bien. Ça vous redonnera un peu la patate, parce que là, vous êtes J'espère. Un peu. Voilà. J'espère. Allez, une bonne soirée, monsieur. À toi aussi. Au revoir. Ciao. C'est vrai qu'il avait l'air triste. Hein. Oui, non, lui, bon. Il a besoin aussi. Hein, là, du coup, on appelle un autre. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous avez fait l'amour récemment, monsieur ? Et pourquoi vous me demandez ça, monsieur ? Bah, pour savoir. Bah, vous rendez compte de l'heure que vous demandez, là ? Bah oui, mais ça n'a pas de rapport, monsieur, avec la question. Non, je voudrais savoir qui vous êtes. Tof, monsieur, je m'appelle Tof. Comment ? Tof, mon nom c'est Tof. Et comment ça se fait que vous appelez là ? Bah, pour savoir si vous avez fait l'amour récemment, monsieur. Ça vous regarde pas, monsieur. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle. Bah non, mais vous rendez compte, vous ? Bah oui, je me rends bien compte, monsieur. Moi, je vous appelle gentiment pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est n'importe quoi, là. Ah non, monsieur, non, c'est une étude très sérieuse. Mais vous avez ça au foot ou bien quoi ? Ah bah oui, monsieur, si j'avais autre chose à faire... Ah bah je le vois. Je vous appellerai pas, monsieur, c'est logique. Ah ouais, ouais, c'est la NPE qui vous envoie, là ? Ah, non, je suis au chômage, monsieur, moi je Ah j'appelle. Ouais, bah faudrait chercher du boulot, là. Bah pourquoi faire ? Bah ça sera mieux pour vous, hein. Bah pourquoi ? Au moins, vous emmènerez pas le monde. Bah attendez, monsieur, moi je suis bien à la maison. Ouais, mais vous habitez où, là ? Dites-moi où. Moi j'habite Paris, monsieur, j'habite chez maman. Ah bah c'est bien, bah restez avec maman, là. Hein ? Bah oui, ouais. Oui, moi je vais rester avec maman, hein, monsieur. Moi je veux pas travailler. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Oui, attendez. Vous imaginez, il faudrait que je me lève le matin, faudrait que j'aille au travail. Vous êtes nourri-logé par maman, là. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Je connais pas votre âge, mais enfin bon. 37 ans, monsieur. Ah ouais, vous avez. Bah, c'est honteux de parler comme ça, oui. Hein. Bah, pourquoi vous dites demain, ça ? Demain, j'aviserai avec le numéro, on verra, d'accord ? Mais vous aviserez quoi, monsieur ? Bah vous verrez, je vais déposer plainte, monsieur, pour harcèlement. Bah pourquoi vous voulez faire ça ? Bah parce que j'ai envie. Bah ça se comme fait vous pas. Avez envie de m'appeler à ce soir-ci, moi j'aurais envie demain d'appeler la gendarmerie. Comme il y a des collègues chez moi, il n'y a pas de problème. Bah oui, monsieur, vous faites ce que vous voulez, mais enfin c'est... Ah bah il n'y a pas de problème, vous verrez. Ah bah moi je verrai pas, puisque moi je serai couché, ah mais... Bah vous allez le savoir. Vous aurez des nouvelles, hein ? Ah, bah écoutez, vous voulez que je vous rappelle demain ? Ah non, c'est pas la peine. Bah pour prendre de vos nouvelles. Qui prend à ma place. Il y a quelqu'un qui fera ça à votre place. Bah écoutez, hein, je préfère quand même vous rappeler demain si jamais j'avais pas de vos nouvelles, hein, pour être sûr. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Oui, dites-moi, monsieur. Vous m'emmerdez. Oh non, monsieur, non, pas ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Vous êtes un connard. Oh non, non, monsieur, là, vous devenez vulgaire, non, ça se fait pas. Attendez, moi, je suis... Allô ? Bah il t'a raccroché la tronche. T'es un connard. Bon, oui, je confirme, on rappelle. Je suis d'accord avec lui. Bah oui, moi aussi. Thank you. Oui, attendez monsieur, enfin, vous êtes quand même très vulgaire. C'est normal, qu'est-ce que je veux dire? Et bah, encore, pas du tout monsieur, enfin. Et moi c'est poli ça. Un peu de tenue monsieur, en plus on s'est même pas souhaité une bonne soirée, on n'a pas fait de poutou et vous raccrochez. Je vais enregistrer la conversation. Hein? Comment ça, hein? Bah attendez, la moindre des choses monsieur quand on est poli, c'est de souhaiter une bonne soirée aux gens. Enfin bon, vous avez été élevé où? Au même endroit que vous. Bah ça m'étonnerait monsieur, hein, parce que moi on m'a toujours appris qu'avant de raccrocher on souhaitait une bonne soirée aux gens, on se faisait des poutous. Ah moi j'ai pas l'intention, je vous connais pas. Bah ça n'empêche pas monsieur, on n'a pas besoin de se connaître pour se faire des poutous. Mais non monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça. Allez. On souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous et je vous rappelle demain. Non, bah non, non, il veut pas là, il veut pas. On rappelle. Vous voulez que je débranche mon téléphone? Non, je veux juste qu'on souhaite une bonne soirée, qu'on se fasse non, vous voulez que je débranche mon téléphone? Non, monsieur, on se fait des... Je vous donne l'ordre de raccrocher, monsieur. Eh ben, souhaitez-moi une bonne soirée, on se fait des poutons et je raccroche. Non, non. Bah si. Moi, je souhaite des bonnes soirées à des amis, pas des connards. Oh non, monsieur, arrêtez de dire ça. Ah oui, non, non, il n'y a pas de monsieur. Bah attendez, on peut se souhaiter une bonne soirée entre gens civilisés, enfin. Et ben voilà, je vous donne l'ordre de ne plus rappeler. Il a raison, ça doit être un ancien gendarme. Bon, allez, bougez pas, on en fera l'autre dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros, vous envoyez ça sur toph@energie.com. On va jouer aussi au jeu du 10 mots. Je vous explique comment ça se passe dans un instant. On va écouter aussi le son de Jane qui va arriver dans un instant sur Énergie. Allez, bougez pas. C'est Mickaël sur Énergie, 20h minuit tout l'été. Ne bouge pas. Mickaël sur Énergie revient juste après ça. Vos artistes préférés. La Team Énergie sur les plus belles plages de France. Tout l'été, c'est le Énergie Summer Tour. Du 26 juillet au 17 août, Énergie, la radio dédiée, vous donne rendez-vous sur les plages de la Côte d'Azur, aux plages du Nord, avec le Énergie Summer Tour. Toutes les dates de la tournée sont sur énergie.fr. Et rendez-vous le 26 juillet, esplanade de l'Âtre de Tassigny à Cavalaire, avec Bassada et Giant A. Lidl, partenaire fraîcheur du Énergie Summer Tour. Salut, c'est Aymeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram. On ne va pas les plaindre. Faut pas déconner. Ils sont là tout l'été. Vraiment? Vraiment? Et alors? Bien fait pour eux. Mickaël, Polo et Amina. De 20h à minuit. Sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. Et Mickaël officiel. Et on écoute le son de Que Black maintenant sur Énergie. On revient juste après. 01 40 71 5000 avec le jeu des 10 mots. Et avec le retour de Kevin, de Samy. Et une surprise pour les fidèles de l'émission. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent matin. Rampe comme un serpent. Je suis sûr que sont un peu comme Satan. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle me dit je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage mais je suis sonné. Elle voudrait m'emprisonner ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage. Tout va trop vite pour moi, oui Angela. N'en fais pas genre. Angela. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent. Je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je t'aime mais j'suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage mais j'suis sonné. Ma relation est sur la sellette. n'est-ce pas? Elle nous porte l'œil. Pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent. Je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Elle me dit je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage mais je suis sonné. Bonne soirée sur IRJ. C'est Mickaël avec dans un instant, comme promis, Jane qui va arriver. Et pour faire plaisir à Daniel, Maître Grims. Dis-moi pourquoi tu fuis, toi qu'est-ce que je suis, Nicolas. Allez, bonne soirée. Une pensée pour Mickaël et toute la team. Qui vont passer les vacances. Avec toi. Avec toi. Ils sont là. Que tu sois en France ou à l'étranger. Ils sont là. Tu fais la sieste. Tout tu bronzes. Ils sont là. Sur Énergie. De 20h à minuit. Bon, et il y a plein de messages qui sont arrivés par rapport à Daniel. Tiens, il y a Fa du 54 qui dit entre le beau provincial Daniel et le parisien auto-centré Polo. Ah ouais, bah, je peux vous dire que c'était pas facile. Hein. Zacharia aussi, si moi j'aime pas une radio, j'appelle pas la même radio pour me plaindre. Certes, mais bon, c'est pas un routier, c'est un pull-à-pisse. C'est Nicole Routier, routier frigo. Viro aussi, Daniel Image fait. Il y a le mini-pause qui dit mort de rire, le mec relou, il est pas content, il met une cassette dans son poste et c'est tout. Oui, enfin bon, en général, les postes d'aujourd'hui, il n'y a plus de cassette, mais on a compris le principe. Il se fait une clé USB. Aussi. Le Doulou Grand également, mais putain, il va falloir comprendre que c'est un peu l'émission où la radio t'écoute pas, putain. Oui, le Doulou Grand, et arrête d'être vulgaire. Je rappelle que si tu es un doux, tu as moins de 14 ans. On ne met pas putain à tout bout de champ. Axel, une émission plus que géniale, on se régale de fou. Vous êtes les génies, Mickaël, Polo, Toff et Amina. Merci, Axel. Et enfin, un message qui dit moi, je pars au Canada, ça va être fou, et la friterie là-bas. En fait, c'est qui, Pauline, la meilleure amie ou la copine de sa femme ou de la copine? j'ai oublié, c'était tout à l'heure dans. C'est sa meilleure amie à lui, oh là là. Ah voilà, c'était dans le jeu du j'annule les vacances. Bah, autant pour moi, autant pour moi. Bon, on va prendre Samy pour parler des vacances. Salut Samy. Salut. Comment ça va? Ça passe. Ça va Samy? T'es dans un cirque? Oui, t'es alcoolisé, non, t'es c'est quoi? Bon, ben, Samy, je ne fais pas moi. J'ai la pêche. D'accord, bah, tant mieux. Bien. Écoute, c'est quelqu'un qui est content. On va pas s'en plaindre. Très bien. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène, Samy? Tu voulais parler des vacances, toi? Bah, tout truc, des vacances. Et après, c'est un gros problème. Mais non, par rapport aux vacances, le truc, c'est que pour les 3 ans avec mon ex, j'avais payé un séjour de une semaine en Espagne, Istanbul. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que donc j'avais tout préparé, avion, bus, séjour, enfin hôtel, tout ça, activités, bon, bref. Et deux jours avant, elle m'envoie un message, elle dit ah non, mais au final, je peux pas, donc débrouille-toi. Voilà. Ah, c'est-à-dire que tu lui payes 800 balles donc pour aller en Espagne, tu lui offres le voyage, et puis en dernière minute, elle te dit bon, finalement, non. C'est exactement. Ah ouais, sympa la meuf, effectivement. Mais t'étais avec elle depuis combien de temps? D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles de Georges en parlant de couple un peu bizarre. Mais c'est vrai. Ouais, bah ouais. Georges, appelle-nous. T'as essayé de l'appeler, Amina? Oui, mais Georges est très fatigant. C'est ouais, toujours bah ça, je sais. Des péripéties pour réussir à avoir ce garçon. Oui, je sais bien, je sais bien. Bon, Georges, appelle-nous, ce sera plus simple. Bon, et donc du coup, Samy? J'étais avec elle depuis 3 ans, dédicace à Clara. Enfin, Clara, ah oui, 3 ans quand même. C'est bizarre qu'elle t'ait fait un coup comme ça après 3 ans. Ben oui, parce qu'en fait, ça va moyen, si tu veux, mais moi, le délire, c'était l'Espagne pour que ça se ressoude, entre guillemets, tu vois. Et elle me l'a mise à l'envers bien profond, quoi. Ah, mais je crois que les vacances, c'est comme les enfants. Hein. Tu sais, tu reconsolides. Ouais, ça. Ouais. Faut pas payer un truc pour réussir à reconsolider un couple. Quand les gens disent, ouais, on va avoir un môme et tout, pour que notre couple aille mieux, non, ça sert à rien. Mais oui, ça n'a rien à voir. C'est que c'était symbolique, le fait de. Enfin, l'endroit où on allait, c'était symbolique. Donc, du coup. Eh bah, t'as vu, elle t'a mis le symbole dans le cul. Ouais. Clairement. Donc, voilà, c'était pour dire que, je regrette. Bah, écoute, t'auras fait ce qui te semblait être bon. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en passage, je fais la dédicace à la personne en question que vous connaissez bien, enfin que toi tu connais bien d'ailleurs. Mais bon, bref. C'est-à-dire, oui, mais parce qu'en fait, tu donnes une info, mais on connaît pas la suite, donc. Bah, c'est mademoiselle Clara, qui s'appelle pas Clara, qui tout ça. Ouais, ok, d'accord. Bon, okay. Bah, écoute, je sais pas de quoi tu parles, voilà, mais très bien. D'accord. Et bah, si vous avez des trucs entre toi et Toff et Clara, oui, appelez-vous. C'est mieux. Bah, écoute, ouais, on se fera une bouffe. Ouais, voilà. Bon, bah, très bien. Écoute, on embrasse Clara, il s'appelle pas Clara, pas de soucis. Non, mais c'est celle qui était venue dans les studios. Bref, passons. Et après, oui, bah, on va passer, effectivement, oui. Ah, très bien. Bon, et bah, Samy, bah, merci beaucoup. Hein. Attends, Mika, j'ai un plus gros problème. Tu peux le dire? Ah bon, bah merde. Je pensais qu'on avait tout fait. Et donc Non, eh ben, disons que je me suis fait fourrave, enfin, je me suis volé mon iPad Mini 4 par les potes d'un voisin et je sais pas comment faire pour essayer de le récupérer, quoi. Bah, y a un truc très simple, ça s'appelle la police. Oui, c'est ça, tu vas chez les flics. Il paraît que c'est leur job. Ouais, mais j'ai pas de preuves puisque je l'ai reçu d'une certaine radio suite à un certain vœu. Il est insupportable, Samy, avec ses caisses. Ouais, en fait, c'est-à-dire que au lieu de dire les choses telles quelles, tu dois toujours faire des espèces de. Mais... Ok, d'accord. En gros, t'as gagné un iPad Mini 4, ok, oui, sur une radio, on s'en fout, énergie ou une autre, on s'en branle. Bon, et donc on t'a chouave, et bah tu vas chez les flics, et même si t'as pas la facture, c'est pas grave. Non, mais de toute façon, t'as une preuve que tu l'as reçue. Ouais, j'ai une preuve que je l'ai reçue, ouais. Et bah voilà. Bon, bah voilà, l'affaire est classée, tu vas chez les flics, tu vas déposer une plainte. Il y a un numéro de série en plus sur ces trucs. Ouais, tout à fait, ouais. Mais est-ce que tu penses que ça va aboutir? C'est mort. Mais ça va aboutir. Tu sais qui c'est qui te la chourave? Qui te la chourave? Bah, c'est des potes à un voisin, quoi. Des potes, hein. Bah, écoute, va chez les flics en expliquant que tu penses que c'est telle ou telle personne. Ils vont te demander des infos. Tu leur donnes toutes les infos. Puis après, c'est leur boulot. Ils vont aller enquêter. Puis ils verront bien. Je pense qu'ils vont appeler le voisin qui devra communiquer le nom et le numéro de ses potes. Et puis après, voilà. Voilà, après, on verra bien. J'en sais rien. Moi, je suis pas de la police. Et après, à 5h du matin, ils vont arriver avec le bélier. Ils vont défoncer la porte de chez tout le monde. Il y a Viro qui dit Samy, on dirait un animateur de fête foraine. Pourquoi, Viro? Je vois pas le rapport. Bon, Samy, tiens-nous au jus pour cette histoire d'iPad. Ça marche. Bon, et sinon, je te passe Amina, qui est une grande juriste. Oui, une habituée des commissariats. Voilà. Bon, salut, Samy. À tout à l'heure pour Toff, pour le polo show. Ah, pour Toff, le polo show. Mais mec, d'accord. Très bien, je pense qu'il a vrillé. Voilà. Bon, on. Dans un instant, juste après Jane, nous allons enfin avoir des nouvelles d'une star. Putain. Allô, Georges. Oui, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Très bien. Très bien et très mal en même temps. Ne bouge pas, nous allons en parler après le son de Jane. T'aimes bien Jane? Oui, trop bien. Oui, je parie que tu connais pas. Bon, Georges, ne bouge pas. On écoute Jane et je te reprends après. Tu nous expliques un petit peu comment c'est passé. On fera le jeu des dîmes aussi. To look down at you. Things gonna be bonne soirée sur Énergie, c'est Mickaël. Mickaël. Mickaël. Passe en mode été. Été. 20h minuit. T'as bien entendu. 20h minuit. Alors soyez là avec nous tous les soirs. Sur Énergie, de 20h à minuit. Avec dans un instant Maître Gims, il y a un message de Pourquoi moi et pas toi sur Twitter qui dit imagine les 4 meufs écouter Alexandro tout à l'heure. Ah putain, ouais, bah laisse tomber, alors là ça aurait été la misère, hein, surtout pour lui. Bon, avant de se faire le jeu des 10 mots dans un instant, le jeu des 10 mots c'est simple, si vous voulez jouer avec nous, bah déjà vous nous appelez 01 40 71 5000. Ouais. Le jeu des 10 mots c'est donc facile, vous décidez de jouer contre quelqu'un de l'équipe, deux auditeurs qui choisissent chacun quelqu'un de l'équipe, et donc cette personne. Atof, Polo, Amina ou moi-même doit essayer de vous faire deviner plus de mots que le concurrent. Mmh. Si vous trouvez plus, vous gagnez. Alors, c'est souvent des batailles entre Amina et moi, ça arrive. Force est de constater que je gagne assez régulièrement. C'est normal, Mickaël, tu es le meilleur. Mais je te remercie, Tof. Donc, si vous voulez jouer au jeu des 10 mots, bah, vous nous appelez hein, 01 40 71 5000. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'Amina n'ait pas réagi à ce fait. Hein. C'est même pas une. Elle n'a rien à dire, c'est normal. Je sais bien qu'elle n'a rien à ajouter, bien évidemment. Mais voilà, donc si vous voulez jouer au jeu des 10 mots. Et puis Amina. Exactement. 01 40 71 5000. Kin 10 mots. Consent. Exactement. Des nouvelles de Georges. Oui, celui-là. Oui, bah, je me doute. Bon, Georges, qu'on traîne depuis des années. Dis-moi, Georges, entre-temps, t'as réussi à parler à Capucine, Z4? Non. Du tout, hein. T'as eu peur? Ouais, c'est ça. Non. Georges, donc qu'on a eu très souvent au téléphone, qui cherchait des meufs, qui il savait pas comment faire, blablabla, blablabla, il savait pas comment draguer. Mmh. Enfin bref, catastrophique. On a essayé d'appeler des téléphones roses avec lui pour essayer d'avoir un petit électrochoc. Même les meufs du téléphone rose, qui pourtant gagnent de l'oseille, plus elles tiennent le client, ont fini par raccrocher au nez de Georges. Et donc là, Georges, comme ça, par hasard, tout d'un coup, nous donne des nouvelles. Il y a quelques jours. Au détour d'un chemin. Et voilà. Et Georges, donc, apparemment, était sur un plan. Il avait un rencard. Et alors, Georges? Ce rencard s'est bien passé. Mais elle m'a dit... Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas plus. Elle voulait juste être amie. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Ouais. Oui, donc le rencard s'est pas bien passé, quoi. Non. Tu te voyais déjà dedans, toi? Ouais. Ouais. Elle était mignonne, en plus. Bah oui, oui. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ça arrive à tout le monde, même au meilleur, hein. Et ressaisis-toi, fonce. Bah oui, écoute, en même temps Georges, t'es pas une défaite près, hein. Oui, t'es plus à ça près du tout d'ailleurs. Bah oui. Mickaël. Oui, Georges. Tu vois qu'il va te demander un truc improbable. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Tu peux pas appeler des filles. Mais tu veux que j'appelle quelle fille? On a fait ça pendant 2 ans, mec, t'as pas voulu, à un moment donné, tu t'es sauvé. Oui, allô. Ah bah voilà, tiens. Non, c'est mieux. Non mais, Georges. Donc tu peux, hein. Mais oui, mais tu veux qu'on appelle pour quoi faire? C'est pas que je veux pas, je suis pas de mauvaise volonté. Hein. Regarde, depuis les années, toutes les années où tu passes, c'est bien la preuve qu'on n'est pas de mauvaise volonté. Georges? C'est juste qu'à un moment, je vois pas ce qu'on peut faire. Georges, comme je suis un bon pote à toi, pour 5000 euros, je veux bien t'arranger un dîner avec Capucine. Oh, c'est bien ça. 5000 euros, hein, en petite coupure. Ok. Ok, parfait, merci. Alors, envoie un mail à POL. N'importe quoi. Idiot. Tu vois, c'est ça ton problème, Georges. Tu es trop naïf. Tu es un naïf. Gentil naïf, c'est pas bon. Non, avec comment Amina. Tu fais quand tu parles à la... Qu'est-ce que tu lui as dit à cette pauvre enfant que tu as rencontrée? Je lui ai dit qu'elle me plaisait. Quoi? À quel moment du repas? On n'a pas repâté. Ah bah voilà. Ah ouais, bah oui. T'as fait quoi? Raconte-nous. On tout, c'est discuté. Intéressant. Mais où? Dans la rue. Mais oui, mais Georges, c'est pas un lieu pour discuter avec une fille, une jolie pourquoi fille. Pourquoi tu vas pas dans une boîte? Ah oui, bah non, j'allais dire, il a rien échangé. Oui, c'est con aussi. Je me suis rendu compte au milieu de ma phrase. Non, mais un club libertin, t'as rien à échanger, à part ta dignité. Il peut être ouais. Et pourquoi tu vas pas sur des sites Tinder et tout ça là? Ça marche pas. Bah si, ça marche, il y en a plein qui y arrivent, n'est-ce pas, Mina? Bah bien sûr, oui. Bah, mais tu sais, j'ai un bon plan, Georges, c'est pas une blague. Il y a plein de gens, apparemment, comme ils galèrent sur Tinder, en fait, ils font des séances photos, exprès pour Tinder, pour avoir des putains de photos, et apparemment ça marche bien. Ouais, mais le problème, c'est qu'arrive un moment, ok, peut-être que ça matchera plus, c'est ce que tu veux, mais arrive le jour J où ils se voient... Non, mais le problème, c'est pas lui, puisqu'il a, depuis, ça fait quoi, 4 ans le qu'on problème, traîne. C'est pas lui, c'est ça que tu viens de dire? C'est ça. Mais le problème, c'est pas lui. Non, mais attends, laisse-moi finir. C'est la démarche. c'est le comportement du gars. C'est-à-dire qu'on l'a aidé. Hein, le comportement bah ouais. Il est en plein comportement bah ouais. Ouais, et c'est le ça, type, ouais, on lui a arrangé des cours, on l'a aidé. Ça fait 4 ans qu'on traîne ça là, le Georges. Eh ben, ça fait 4 ans qu'on lui explique des méthodes, des techniques et tout. Nous sommes des professionnels. Eh ben non, il fait le contraire. Qu'est-ce que tu veux faire? Qui m'intéresse, Mickaël. Quelle fille t'intéresse? Amina. Tu veux Amina? Oui. Ouais, mais c'est pas. C'est, oui, c'est Georges, elle est pas accessible, Georges. Essaye de mais oui. Si, elle aime. Non. Si, si. Ah bah pourtant, t'es le type d'Amina. Mais bon, tu sais, parfois. Non, t'es pas du tout le type, Georges, pour la seule et unique raison que t'es un peu plus jeune que moi. Voilà. Et moi, j'aime bien les mecs plus vieux. Donc, prends une nana de ton âge. Quel mytho alors. C'est vrai, il a 21 ans. La beauté en touche. Je suis un peu plus âgée, moi. Pas de beaucoup, oui, mais c'est ça. Et Amina est une vieille dame. Non, moi j'ai 26 ans. Moi, je me projette, tu vois. Il faut que je réussisse ma vie. Donc voilà, c'est pas la peine. Mais prends. Tu l'as déjà réussi, non? Ça dépend à quel niveau. Mais voilà, essaye de trouver une nana de ton âge. Oui. Il n'y aurait pas moyen que vous appelez Capucine Nana. Et pourquoi faire? Mais qu'est-ce que tu... Elle va pas décrocher de toute façon. Elle va pas. Elle sait même pas comment il marche son téléphone. Ça, déjà quand on l'appelle nous alors qu'on se connaît, tu vois, une fois sur deux, elle oublie, elle zappe, elle décroche pas, machin. Alors t'imagines les numéros masqués? Mais elle sait que je passe peut-être. Oui, bah, justement. Je pense qu'elle te traque. Ouais. Justement, ouais. Bon, Georges. Arrête devant une photo avec toi. Bon, on va essayer de voir s'il y a des auditrices qui seraient éventuellement intéressées par Georges. Sait-on jamais des gens au bout du rouleau qui. Il y a une nana là à l'antenne, peut-être qu'elle peut être intéressée. Hein. Non. C'est une autre surprise ça, mais je peux pas mélanger. On peut pas mélanger tout ça. Imagine, ça fait des enfants. Ah, ça peut être exceptionnel. Je veux pas être responsable de la fin de l'humanité. Que les choses soient claires. Oui. Bon. Nous aurons dans un instant Cri-Cri d'Arcachon. Mais avant cela, nous allons faire le jeu des 10 mots. 01 40 71 5000. Si vous voulez participer, le jeu des 10 mots, c'est juste après. Maître Grims, pour faire plaisir donc à notre ami Daniel, qu'on a eu tout à l'heure. Ah, il est couché, il n'écoute plus. Ah bah ouais, bah tant pis pour lui. Hein. Allez hop, spécial dédicace pour Daniel. Je le te place uniquement pour toi. Je mens bien, non? Corazon, dis-moi pourquoi tu fuis. J'ai vu ton visage apparaître dans les flammes. Je préfère encore te contempler tout comme un gamin. Car tu es l'esprit du malin. Avec toi, impossible de savoir à quoi s'attendre. Tu changes de peau, tu te glisses dans des draps de satin. J'aurais préféré ne jamais croiser ton chemin. Oh, oh. Tous les hommes, et d'après la rumeur, tu ne souris jamais. Tu prendras tout de moi, tu me laisseras seul enchaîner. Est-ce que j'ai tort? Non, je savais. J'avance vers toi, les courbes de ton corps m'assomment. Tu diras, j'ai récolté tout ce que j'ai semé. Attends 2 minutes, j'ai déjà vécu la scène. Oh, oh. Ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazon, dis-moi pourquoi tu fuis. Toi, qu'est-ce que je suis, mi corazon? Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait, mi corazon. Dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas, mi corazon. Corazon, corazon, corazon.

Cet été, la meilleure chose à faire, c'est d'écouter Mickaël et toute la team. Sur Énergie, de 20h à minuit. Allez, tous les soirs, on est sur Énergie avec une bandite dans un instant, Calvin Harris ou encore Liam Payne. Et puis, nous allons faire dans un instant le jeu des 10 mots. Avant ça, Cricri d'Arcachon qui, comme d'habitude, va être à l'autre bout de son appartement. Allô, Cricri ? Oui. On entend le chat. Oui, je suis là, pardon, excusez-moi. Ah, bonsoir, Cricri d'Arcachon. Attendez, je ferme les portes pour pas se faire. Ouais, ouais, vas-y, fais ta vie. Hein. Voilà, fais donc. Si t'as un peu de linge à faire ou de la vaisselle, vas-y. Voilà, n'hésite pas surtout, hein, fais comme chez Watt. Bon. Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, oui, oui, oui. Bah oui, on l'a bien entendu, là, on l'a bien entendu. Bon. Oui, dites-moi. Oui, ben. Eh bah, non, dites-moi. Comment ça va, Cricri d'Arcachon? Et ça va très bien, c'est un problème de 4G+, ou 5G, mais c'est pas grave. T'as oui, pas de 5G, c'est pas possible. Oui, c'est normal, c'est pas encore disponible, la 5G, Cricri d'Arcachon. Ou alors tu veux non, parler de 5 grammes d'alcool. Ah, ça n'a rien à voir, mais c'est probable également. Non, ça, c'est déjà passé, mais c'est pas pareil. Absolument. Toi, t'as le même rire que Gargamel, mais en femme. Oui, non, absolument. Je peux pas en placer une, moi. Merde. Mais si, bien sûr. Absolument. Bon, qu'est-ce qui se passe, Cricri? Je parle à Daniel, là, parce qu'à mon avis, il écoute. Daniel. Oui, bon, enfin, il peut pas te répondre, voilà. Mais oui, peut-être qu'il écoute, non, mais oui. Non, je sais qu'il va répondre, mais s'il écoute. Oui. Daniel, écoute. Daniel, quand t'as une journée de merde, écoute la radio. La radio, ça papote, ok, ça papote, mais c'est très comique. Voilà. Tu veux la musique? T'attends, Maître Gims, machin? Ben non, ils vont Grims. Passer Maître Gims, je sais pas quoi, là. Tu as la foutu, là. Hein, ils vont peut-être passer Maya l'abeille. Voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a le 2 qui sort, hein, d'ailleurs. Tout simplement. Parce Maya que l'abeille. C'est un con, ce mec. Mais Maya l'abeille, la Maya. Oui, c'est le chat, quoi, c'est ça? Non, c'est pas le chat, c'est une abeille. C'est pas vrai. J'ai pas. Ah bon? Mais il y a l'abeille, enfin, mon de Dieu. Ils viennent de changer alors. C'est pas possible. Et le dinana, je sais pas chanter, chanter. Oui, ah bah non, ça, c'est. Il y a l'abeille, oui, enfin, bref. Elle est où? Les Simpsons ou compagnie, les trucs de dessin animé, voilà, bref. Bon, peu importe, on n'a rien compris. Bon, c'est pas grave. T'inquiète. On verra Daniel. Bon, c'est un problème. Daniel, bon, je sais pas s'il écoute la radio. Je vais me fermer chez moi, ça c'est clair. Tu te passes un truc, c'est un problème au-dessus de la ceinture, c'est Jackie et Michel. C'est pas mal ça aussi. Mais je vois pas le rapport, en fait, il voulait de la musique, il veut pas du porno. Ben, le pauvre, je pense qu'il a un problème au niveau de la bite, hein. C'est tout. Enfin, tu crées un cachon, enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est parce qu'il baisse pas assez. Mais ça, ils l'ont dit, c'est l'enquête. C'est pour ça qu'il sait pas comprendre le comique, enfin, il fait des... Voilà, c'est bref. Ben oui, évidemment. Très bien. Heureusement que Cricri était là. Non. Mais oui, je défends mes potes. Hein, comment va Arcachon? Cricri, comment va Arcachon? Arcachon va bien. Alors, Majorque, ok, comme j'ai écouté, c'est vrai, bon, très sympa. Mais Majorque, ok, les plages sont dégueulasses. Et sur Arcachon, l'océan, ça se salit et ça se nettoie. Ah bah oui. Évidemment. Voilà. Ok. Ça se nettoie comment? Bassin d'Arcachon. Hein? Là, tu vois, je serais peut-être d'accord avec Daniel. Pardon? Non, rien, vas-y, continue. Si vous venez sur le bassin d'Arcachon, dans des endroits assez. Olé. Oui. C'est-à-dire? Vous envasez. De la vase jusqu'au. Et comment va le rosé, Cricri, là? Il a l'air d'aller bien. Il est bon cette année ou pas? Le rosé, ben là, je suis plutôt Doc Merlot. C'est-à-dire DOC Merlot. Ah oui, bah on avait bien compris, on avait deviné qu'il y avait effectivement quelque chose là-dessous. Très bien. Mais, bon, donc tout ça pour dire que Arcachon, bel endroit pour les vacances, tout quoi. Tout va bien. Bon, bah tant mieux. Mais non, vous passez pas, non, merde, vous êtes pas en congé, vous, merde. Ah non, on n'est pas en congé, non. On va venir, mais on passera, quoi. Peut-être qu'un de ces quatre, il y aura un Energy Music Tour dans le bassin d'Arcachon. Mais oui, tout à fait, oui. Ah, non, on viendra. Eh ben, on sera là. Alors là, avec plaisir. Bon. J'espère bien. Oui, viens avec le chat et surtout avec le cubi. Bon, Cricri d'Arcachon, passe une bonne nuit en tout cas. Venir avec le cubi. Hein. Alors, bah si. Ouais, t'as pas un seul, ramène-en deux, t'as raison. Voilà. Ah, attends, Cricri, t'as pas un conseil à filer à Georges, il a du mal à draguer? Parce que toi, t'as l'air de pas avoir de problème à ce niveau-là. Ah merde. Il a du mal à draguer. Toujours le même Georges ? Oui, oui, bah, toujours le même, ouais. Évidemment. Le porc, il a quel âge, monsieur ? Il a 21 ans. Oui, il a 21 ans, je crois que c'était un vieux schlock, lui. 21 ah bah non, ans, non, d'accord. Non, non. Bon, mais... Bon, Georges ? Oui. Bon, il est toujours là. Donc, t'as pas de conseils, Cricri, à lui filer à Georges, là, pour qu'il se décoince un petit peu, là, et qu'il arrive à aller vers les femmes ? Ben, je vais voir. Déjà, il va se présenter, je vais voir un petit peu le spécimen. Allez, Georges. Georges ? Oui. N'aie pas peur. Elle est un peu bizarre, mais elle est gentille. Parle, j'ai l'impression Cricri. Que c'est un esprit. Georges ? Georges, oui, parle-lui ! Oui, Georges, c'est Cricri d'Arcachon. Je sais pas si tu connais Arcachon. C'est une région fantastique. Voilà. Bonjour, il y a vraiment... tu as mis un nom, donc... Okay, Georges, Cricri, il cherche pas des vacances. Hein. Il cherche pas des vacances, il cherche une meuf. Mais justement, il y a de belles meufs, là, en ce moment. Oui, mais enfin, bon, en il a déjà du mal à aller d'une gare à l'autre, alors tu vas pas l'envoyer au bout de la France. Ah, bon. Une meuf. Comment tu vas... Déjà, comment ouais, bon. Tu vas... C'était une mauvaise idée. Non. Eh ben, merci pour ces beaux conseils, Cricri d'Arcachon. Je sens qu'il va avancer, là. Là, maintenant, là, je pense qu'il va faire un pas en avant, là. Voilà, une prochaine fois, ok ? Eh ben, voilà. Bon, allez, santé, Cricri. Oui, ok, à la vôtre, 10 minutes. Eh ben oui, à la tienne surtout. Bon, on va se mettre le son de Clean Bandit et juste après, on se fait le jeu des 10 mots. Qui va affronter qui ? Une nouvelle victoire de Mickaël, une nouvelle défaite d'Amina. Qui sait ce que la vie... C'est moi, très sais. Probable. Je de quoi gagner. Mais je tu vais vas pas gagner. Quelle question. Mais si, elle mais parce qu'elle consulte des marabouts pour gagner. Ah oui, c'est vrai, non. C'est vrai, effectivement. Sacrifice de poulet. C'est ça, ouais. Bon, non, allez, Clean Bandit, maintenant sur Énergie. Et peut-être une nouvelle victoire à mon actif au jeu des 10 mots. Une victoire écrasante face à Imenia. Sur Énergie, de 20h à minuit. Allez, on y va, c'est parti. On se fait le jeu des 10 mots maintenant. Jeu des 10 mots avec Emilio qui est avec nous à Bayonne. Bonsoir Emilio. Salut. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Je sais pas trop ce que je fais là, mais bon. Comment ça, tu sais pas ce que tu fais là ? Peut-être que t'as appelé, non ? Bah t'as appelé conjoint.